spectacle. Spectacle. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. David Ferron vient de nous présenter les bonnes choses et les mauvaises choses de la vie dans ses notes salées. Et Alexandra Carignan nous fera découvrir la musique dans la boîte à musique. Assemblage requis tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce lundi 3 novembre 2014. Tellement le premier jour qu'on anime en novembre. Aussi, le premier jour qu'on anime dans l'heure reculée, dans l'heure normale. Normal, ben oui, mais reculée par rapport à l'heure avancée. C'est vrai. Mais moi, je dirais que l'heure reculée, là, oh, c'est tellement ma préférée. oui, on est des arriérés comme ça. Ça fait du bien de se lever le matin. Il fait déjà soleil. En tout cas, peut-être pas se lever, mais au moins s'en aller, sortir de chez nous. Là, ben oui. 7h30, il fait soleil. D'habitude, il ferait pas soleil. Quand je me suis levé, c'était lumineux. Oui, c'était lumineux. Mais il vente en titi, il vente aux enchères, comme on l'appelle. Hein? Ça, c'est une nouvelle expression, je trouve. eBay, style 2014, il vente aux enchères. Ouais. ouais, moyen. veux-tu entendre parler de l'émission d'aujourd'hui, Steph? Oui, ça serait préférable. Ça serait mieux, oui. À 8h, on a David Ferron et sa chronique Les Notes Salées. Il nous présente, comme toujours, les points positifs et les points négatifs d'un certain sujet. C'est d'habitude ce qu'il nous fait, les notes salées. Ensuite, à 9h, Alexandra Carignan, sa boîte à musique, ça doit faire un mois et demi, on l'a pas vu. On s'ennuie. Donc, on va la retrouver à 9h. Entre ça, nos chroniques maison, il y a le bloc pub. OK. Tout à l'heure. Ah. On va débuter avec cet effet, par contre. Petite thématique sur les animaux. Ah, fou. Je pense que c'était l'après-Halloween ou... Non. Noël. Hein? Ah, Noël, à l'avance de même. Ben, c'est pas si à l'avance que ça, si tu vas au Canadian Tire. C'est vrai, c'était en même temps, je pense, Halloween et Noël. Hein? Ah, les trucs d'Halloween sont tous sortis. C'est très, très drôle. Justement, j'étais allée au Canadian Tire par hasard, comme ça. Je me sais pas pourquoi, mais c'est pas vraiment important. Ah oui, j'étais allée chercher un tapis de yoga. Ah bon. C'est toujours pas important, mais je voulais le dire. Bref, il y avait les décorations de Noël. Je me suis dit, tu sais, je vais aller voir. Je suis une fille, puis je suis comme... j'aime ça, Noël. Mm-hmm. Et moi, je tripe beaucoup sur les petits toutous, les toutous qui chantent, là. Oui. Puis il y avait un canard, OK, avec une veste de chasse, là, orange, avec une casquette camouflage. Oui. Puis ça chante « Hit me with your best shot ». Oh non! c'est pas... Je trouve ça fantastique. C'est comme les restaurants de poulet où le poulet est en train de se manger. Tu sais, genre, c'est la même image. T'as pas vu ça sur Internet? Hein? Le poulet en train de se manger lui-même. Oh, c'est, bon. C'est de l'auto-cannibalisme. C'est ça. C'est de bon goût. Ouais, ouais. De bon goût. Tout comme leur poulet. Exactement. On s'en est chez les doigts. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui à Assemblage Requis. On va commencer avec cet effet dans quelques instants, mais avant ça, un peu comme un lapin de Pâques se mangerait lui-même. Voici chocolat et burn-out. Oh, une chance que je ne suis pas faite en chocolat. Puis il pleut pas, hein? Quand il pleut, on n'est pas fait en chocolat, puis on rentre pas. Allez, bonne émission. pense que quelqu'un est en train de se noyer. Chocolat et burn-out. Ah! Moi, me noyer dans le chocolat, n'importe quand. N'importe quand. Je te vois développer un Babybel. Ouais. Ah, ça a l'air bon. Ça me rappelle l'intro d'une chronique, le bloc pub. Si je l'avais fait là, ça aurait été bien approprié de partir l'intro. Ah, ben, la chanson de Babybel. T'en as un deuxième. J'en ai un autre. Vendu, pour plus tard. Sinon, je trouvais que ça n'avait pas l'air de faire ça là. En fin de semaine, Steph, je suis pas sorti une seule fois de la maison comme un loser que je suis. T'as bien fait. Bien fait. J'avais une fin de semaine de 3 jours, donc j'en ai profité pour me gaver de médias, de textes et d'images et de sons. Je me suis commandé de la nourriture, OK? Okay. Pour vrai? Pour vrai. Je me suis commandé de la nourriture au restaurant. OK, pas sur Internet, là. Je veux dire, je pas commandé, là. Moi, je pensais que t'avais commandé ça sur Internet. Là, en fait, oui, je l'ai commandé sur Internet. Non, mais ça compte pas. Je pensais que t'avais pas téléchargé. Ça serait cool. Ouais, mais je pensais que t'avais commandé quelque chose sur eBay, là. C'est pas commandé, là. C'est calé. Je me suis calé de la bouffe sur Internet. Mais bref, j'ai commandé de la bouffe parce que je me suis dit, ils vont me livrer une liqueur 2 litres. C'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé 2 litres de liqueur, ça. Pour pas avoir à sortir de chez nous pour avoir de la liqueur. Évidemment, qu'est-ce que le gars oublie dans sa commande? La liqueur. Bien sûr, ma liqueur. Mais là, il est allé la rechercher. Ben non, il m'a remboursé 3$ de son titre. Ah, t'es vraiment poche parce que moi, j'aurais dit, je m'excuse, tu retournes chercher ma liqueur et tu viens me la porter. Ah, j'avoue. Moi, je suis comme ça. En plus, moi, je suis comme ça. Il a oublié une de mes 2 trempettes. Il y avait une trempette à l'ail puis une trempette au poivre. Puis il a oublié la trempette au poivre. Non, non. Hey. Moi, quand je me fais livrer quelque chose, est-ce que c'est une pizza hot? Oui. C'est exactement ça. Ben, je me tu l'as deviné? Ben, je cherchais quelque chose qui me disait absolument rien. Je me disais, ça doit être ça, trempé à croûte, genre, ou les frites, je sais pas. Exact, ben, c'est des petits doigts de poulet, genre. Ah, c'est super bon. Ah, c'est bon, ouais. Ça, c'est bon. Bref, bravo, hein. Commande sur Internet, tu t'attends à ce que, tu sais, c'est écrit sa facture chaque affaire, tu sais. Fait que tu t'attendrais à ce qu'il coche chaque affaire. Mais ça change rien que ce soit Internet ou pas, là. Non, je sais pas. Je veux dire, on oublie quasiment toujours quelque chose dans notre commande, là. C'est sûr. Je m'attends à mieux. Je m'attends à mieux. Mais moi, tu vires de bord, puis tu me le ramènes. Ouais, tu fais bien. Mais bon. Que voulez-vous, je suis pas de même. Par contre, je suis un gars qui veut partager ses connaissances qu'il a fait lors de ses nombreuses visites sur Internet. C'est pas mal ça que j'ai fait en fin de semaine. Donc voici, c'est un fait. Oh, t'as bouché de Babybel. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Avec un 2 litres de liqueur, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On vous fournit ça avec tout ce qu'il vous faut, les sauces, les trempettes et tout et tout. Aujourd'hui, on fait un spécial sur les animaux. Ah, ça, c'est le fun. Pas nécessairement de compagnie, mais c'est des animaux en général. Ben, c'est correct. De la ferme, de l'eau, peu importe. Donc, justement, commençons en dessous de l'eau. Savais-tu qu'il y a un équivalent au service de lave-auto chez les animaux dans l'eau? Oui. Tu as ça? Explique-nous ça. Non, c'est pas vrai. Non, merci. Donc, les poissons, les tortues des mers, les hippopotames doivent se faire nettoyer comme à peu près n'importe quel animal. Et pour le faire, ils vont au lave-auto. C'est des stations situées au sommet des corails, c'est ça? Ou encore en dessous de bouts d'algues, à un certain point dans la rivière, à un endroit prédéterminé. Donc, lorsque l'animal approche cette station de nettoyage, ils vont envoyer un signal qu'ils doivent être nettoyés. Il y a des poissons nettoyeurs, comme il y a des sortes de crevettes, des cleaner shrimp qu'on appelle, qui vont ensuite manger, enlever les parasites de la peau. Et ils vont aussi entrer dans la bouche et dans les écailles pour nettoyer les endroits difficiles à attraper. J'aimerais ça. Moi, qu'il y ait des crevettes qui me rentrent dans la bouche demain. Ce serait pas pire. Genre de Oral-B poissonnier. Donc, il y a un côté plus sombre à cette opération-là de lave-auto, lave-animaux. Comment ça? Ben, c'est qu'il y a des espèces qui s'appellent, entre autres, des comb-tooth blenny, hein, et des faux poissons nettoyeurs qui vont, eux, traiter ces animaux-là comme leur proie. Ces animaux-là vont imiter l'apparence et le comportement des poissons nettoyeurs. Et quand une victime approche, ils vont donc commencer à leur enlever des écailles ou de la peau. Ah. Arracher tout ça. Mais là, c'est triste. C'est pas fin, hein? Pauvre petit hippopotame, pauvre petite tortue. Ouais. Eh bien, c'est de même, hein, c'est la loi de la nature. Ils peuvent pas le reconnaître. Ben non, parce qu'ils imitent. Ben ouais, mais je veux dire, je vois Steve Diamond arriver ici puis faire « Salut, je m'appelle Mathieu Plante ». Ils sont sûrement meilleurs imitateurs que Steve Diamond. Excuse-moi, dur à battre, je le sais. C'est vrai, mais c'est facile. Tellement dur à battre. Ensuite, il est bien fin, par exemple. T'es en forme de je diamant. Je sais pas, je le connais pas. La baleine solitaire. Est-ce que tu veux apprendre à connaître la baleine solitaire? Pas d'amis. J'aimerais ça, pauvre petite. Je vais te renseigner. À chaque année, les baleines vont se promener dans l'océan, ils vont appeler. C'est l'appel de la copulation, etc., etc. Donc, eux, ils font ça à des fréquences beaucoup plus basses que ce qu'on entend, nous, vers les 17-18 Hz. Mais au moins une baleine dans le monde qui a une voix très, très aiguë selon nos standards. Donc, selon les standards des baleines aussi, en fait, les 52 Hz de cette baleine-là sont beaucoup trop élevés pour que les autres baleines puissent entendre. Pour référence, 52 Hz, c'est environ la même fréquence que la plus faible note sur un tuba qu'on connaît dans la vie de tous les jours, un tuba. Donc, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que la baleine ne peut pas communiquer avec les autres baleines. Les baleines, d'ailleurs, ont tendance à aller aux mêmes endroits pour faire leurs appels interurbains, 1-900-4$-75$, basés sur l'instinct. Et cette baleine-là suit les mêmes patrons, patterns, pochoirs, que les autres baleines, mais à différents moments. On a découvert cette baleine-là il y a plus de 30 ans. Elle est encore en santé. Oui, même si c'est en isolation. Et présentement, il y a un documentaire en train d'être filmé au sujet de cette baleine-là. Oh! La baleine la plus solitaire au monde. C'est triste. Oui, c'est triste. Mais elle a peut-être choisi de vivre comme ça, tu sais. Peut-être. Peut-être que les autres baleines y tapaient ses nerfs. Peut-être. I'm just a poor lonesome whale. Comme Lucky Luke. J'avais compris la référence. Ben oui. On reste comme dans. Mongol. Merci. On reste chez les mammifères. Les dauphins. Qui sont connus pour leurs habiletés extrasensorielles. Tu sais ça? Ben oui, c'est clair. Hein? Ils peuvent ressentir parce que d'autres dauphins ont des problèmes et peuvent leur venir en aide. On croit même qu'ils comprennent pas mal les humains et donc peuvent assister les humains qui ont des problèmes dans l'eau. On a parlé de plusieurs victimes de bateaux coulés, etc., etc., qui avaient été sauvés par des baleines. Des dauphins? Des dauphins, tout à fait. Pour le projet du baleine. Tout à fait marqué même Dolphins dans l'article. C'est clairement un dauphin. C'est pas vraiment de tromper. Et donc, étant donné qu'on est mammifères, tous ensemble, tous en commun, c'est possible qu'on a l'air similaire à eux, peut-être, selon leurs yeux. Bref, les sonars des dauphins peuvent nous pénétrer. Et donc, ça va rendre visible notre squelette, nos poumons, pour les dauphins. Et donc, les femmes enceintes sont particulièrement fascinantes pour les dauphins parce que leur sonar est comme un genre d'ultrason. Donc, ils sont très, très au courant que le fœtus existe et qu'il y a un battement de cœur dans le ventre de la mère. Donc, ils peuvent reconnaître tout ce qui est similaire par rapport à la grossesse, par rapport à eux. Les scientifiques disent qu'ils réagissent un peu comme ils réagiraient avec d'autres dauphins, mais avec les humains. C'est non, mais fun! C'est joli, hein? C'est cute! J'ai oublié le nom de ça. Jellyfish, c'est quoi ça? Méduse, voilà. Les méduses qui s'évaporent au soleil parce qu'elles sont composées de 98% d'eau, ça veut dire ça. Donc, les méduses... Ben, je savais pas que c'était 98, là, tant que ça. Ben, genre... Il reste pas grand-chose. Donc, les méduses, lorsqu'elles sont dans l'eau, peuvent être intimidantes. On sait qu'on peut recevoir de leurs tentacules un choc électrique douloureux. Choc électrique douloureux, moi. Comme dans Mario Bros 3. Une fois qu'ils arrivent, par contre, sur le bord de la plage, mettons, ils sont vraiment plus intimidants parce qu'ils sont composés à 98% d'eau. La plupart sont transparents et en forme de cloche. Et s'ils finissent sur la plage, ils vont certainement s'évaporer après quelques heures. Ils vont presque complètement disparaître. Les méduses qui n'ont pas de cerveau non plus, n'ont pas d'os, n'ont pas de cœur. Par contre, ils ont un système nerveux sensoriel rudimentaire. Ça, je sais pas. C'est tout ce qui reste. Là. Tout ce qui est les méduses. Les animaux peuvent avoir des accents. On a déjà parlé un petit peu de ça. Creusons un petit peu plus le projet. Le sujet, je pense que c'est bon. C'est pas mal ça. Un professeur en phonétique, John Wells, de l'Université de Londres, a étudié les sons que les vaches font. Les propriétaires de vaches avaient commencé à observer que les meux sonnaient différemment. Fait que c'est pas fou ce qu'on a dit il y a genre 2 ans. Je sais pas si tu te souviens de la vache prétentieuse. Oui. Moo. Moo. Elle avait un petit accent hipster. Oui, clairement. Mon iPhone est dans ma poche, de pantalon serré, ça plie tout le temps. Mais... c'est ça, les moo peuvent être différents, dépendant de la partie du pays où les vaches sont, dépendant de la région. Donc, elles vont muer. Mais c'est quoi ça, le mot? Je sais-tu, moi? Il y a un mot pour ça. Meugler. Meugler, je pense, différemment. C'est pas un personnage dans le lit de la jungle. Plus le propriétaire des vaches est près de ses vaches, peut-être pas aussi près que vous pensez, mais ils vont remarquer la différence dans les meux de leurs vaches comparé à d'autres. Les oiseaux ont aussi des accents régionaux. Ils ont des accents de cris d'oiseaux par rapport à la même espèce ailleurs dans le pays. Donc, c'est fascinant, ça! C'est quelque chose... on revient aux baleines, en fait, pour dauphins, aux baleines. On pourrait entrer dans les artères les plus grosses du cœur d'une baleine, ça veut dire ça? Non. Donc, tu sais que les baleines bleues, bon, c'est le mammifère marin le plus gros qui existe, mais... Pas juste marin, je crois que c'est même terrestre. C'est possible, c'est très, très possible, en fait, très possible. Mais en fait, ça dit que c'est le plus gros mammifère marin qui existe dans l'article, mais je crois que t'as peut-être raison. Mais l'un n'enlève pas l'autre, mais ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas... Ouais, bien possible. Je pense que je crois que tu as raison. Mais bref, ce qu'on sait, c'est qu'on pourrait entrer dans ces artères majeures, nous-mêmes, les humains. Les baleines bleues sont tellement grosses que le cœur d'une baleine bleue adulte peut peser presque jusqu'à 2000 livres. Il bat seulement une fois par 10 secondes et le rythme est tellement intense, tellement fort qu'on peut l'entendre à 2000 de distance. Ça, je me rappelle bien, c'est comme dans les 4-5 km de distance. C'est assez agile, tu pourrais aussi donc entrer dans ses artères étant donné la grosseur. Chacun de ses poumons est de la grosseur d'un garde-robe moyen. Pas un walk-in, mais c'est un garde-robe moyen. Aussi, leurs langues sont tellement lourdes qu'elles sont plus lourdes que les éléphants. La plupart des éléphants, ou en tout cas en moyenne. Et côté grandeur en général, on a déjà dit plusieurs fois que c'était à peu près de la grosseur de 2 autobus. Les scientifiques ont découvert un certain début de moralité chez certains primates. Les scientifiques ont observé que certains primates sont vraiment sensibles aux problèmes des autres. Par exemple, les chimpanzés ne peuvent pas nager, mais malgré ça, certains chimpanzés se sont noyés dans des zoos en essayant de sauver les autres de la noyade. Mais voyons donc! D'autres animaux. Les scientifiques ont arrangé une expérience où les singes rhésus pouvaient tirer sur une chaîne pour avoir de la nourriture. S'ils tiraient sur la chaîne, par contre, ça donnait un choc électrique à un de leurs compagnons. Et le résultat, ben, ils s'empêchaient de manger pour pas avoir à donner un choc à l'autre. Oh mon Dieu! Ouais. Je connais des humains qui seraient moins humains que ça. Certainement. Et d'ailleurs, ben, on dit dans l'article que c'est quelque chose que les autres animaux n'ont pas développé. C'est des choses qu'ils ont en commun avec nous, les humains. Ouais. Wow. Est-ce que tu as un problème de coyote ou de chien sauvage chez toi, Steph? Non. Non? Ben, il te faudrait, si c'était le cas... J'ai vraiment de marmottes. De marmottes, pour vrai? Non. Ah, okay. Non, ils sont plus là. Ah, oh, c'est fini, ça? Oui. T'es qu'il fait trop froid, hein? Ça non. Fait longtemps qu'ils sont partis. Ah oui? Ouais. Il te faudrait peut-être un âne gardien. Un quoi? Un âne gardien. Un âne. Pas un âne, je veux dire qu'il manque une lettre. Non, mais un âne. Un âne. Les fermiers du Rhode Island avaient la difficulté avec les coyotes qui entraient et qui blessaient et tuaient leurs moutons. Donc, ils ont amené un âne garde ou gardien dans leur ferme. Ils ont arrêté de perdre des animaux. Apparemment, les ânes peuvent être assez intimidants. Lorsqu'un prédateur entre, les moutons vont se rallier derrière l'âne. L'âne va commencer à faire des bruits vraiment forts et va commencer à poursuivre le prédateur. Ils vont même les attaquer en levant leurs jambes et en les frappant avec les deux pieds. Ben voyons pattes. Donc! Ben je oui. Pensais qu'il n'y avait rien de plus insignifiant qu'un âne. On le dit tout le temps. Dans ma honte, oui. Ben ouais. On revient aux dauphins qui aiment se promener sur le dos des grosses baleines. Ah, là, tu te trompes pas, là, il y a les deux, là. Ouais, c'est ça, c'est... donc, ce qu'on appelle les bottlenose dolphins, pour la première fois, on les a vus en train de se promener sur le dos de grosses baleines dans les eaux d'Hawaï. Les baleines ont l'air d'aimer ça. C'est le gros party, tout ça. Lorsque les dauphins se promènent sur leur dos, ils vont des fois se rendre jusqu'à la surface et vont monter les dauphins dans les airs. Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com pour vous montrer le processus. Mais à la fin, les dauphins peuvent glisser sur le dos de la baleine et jusque dans l'eau. Ça fait comme une genre de glissade d'eau. De village vacances Val-Cartier. Genre. Les scientifiques croient que c'est juste un jeu entre les deux espèces parce qu'aucun des deux n'a l'air agressif ou un comportement négatif. C'est juste quelque chose que les deux aiment beaucoup. C'est bien bizarre. Fun, hein? Ben oui. Un mouton qui a été retrouvé avec 60 livres de laine sur le dos. Et si bon. C'est Shrek, le mouton, qui s'est enfui. S'est caché dans une cave de la Nouvelle-Zélande pendant 6 ans. Lorsque Shrek a enfin été trouvé en 2004, le mouton n'avait pas été rasé depuis tellement longtemps qu'il avait accumulé 60 livres de laine sur son corps. Assez pour faire 20 habits. OK, des habits de laine, j'imagine. Donc, le mouton est devenu célèbre et a pu rencontrer le premier ministre... Ouais. Ça, c'était la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, par contre, je sais qu'il est mort récemment à l'âge de 16 ans. Mais ouais. 16 ans, ça me semble, ça doit être bon pour un mouton. J'imagine. Non? Ça a l'air respectable, je te dis. Je sais pas, hein? Ouais. On passe des moutons aux chèvres maintenant, des chèvres qui passent la tondeuse chez Google. Pour vrai? C'est vrai, Google qui essaie d'être plus environnemental, si on veut, ou positivement environnemental. Donc, une fois de temps en temps, Google va louer 200 chèvres d'une compagnie qui s'appelle California Grazing. C'est un jeu de mots avec California Raisins, c'est les raisins ouais, de mascotte. Donc, ils louent environ 200 chèvres de cette compagnie-là pendant une semaine pour couper le gazon. Et ils ont aussi, évidemment, l'avantage ajouté du fertilisant. Je pense que ça, ben c'est ouais. Évident. Ces chèvres-là coûtent environ le même prix qu'on devrait payer pour quelqu'un qui tondrait qui passe la tondeuse. Pour vrai? À peu près. Ah. Donc, pas trop cher. PETA, tu tu connais l'association Protection pour les animaux, là? Uh-huh. Donc qui est une organisation qui parle assez fort quand quelque chose ne va pas bien. Eux, ils sont d'accord avec l'idée. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que selon leurs études à travers le temps, lorsque les animaux sont utilisés par une entreprise pour faire de l'argent, donc pour économiser de l'argent, ce qui est probablement le cas un petit peu, souvent on coupe les coins ronds, les animaux vont souffrir d'habitude. Là, ça, c'est selon leurs études en général, non pas selon pour Google. Ce qui les dérange, c'est entre autres les soins vétérinaires, leur toit, la protection du soleil et la pluie. C'est ce qui les dérange par rapport à ça. Mais Google dit qu'ils s'occupent toujours très bien de leurs employés. Mais évidemment, les chefs ne sont pas employés à temps plein. Hein? C'est des sous-contractants. Ouais. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ils disent qu'ils se défendraient contre toute accusation, le cas échéant. Mais je trouve ça quand même bizarre. Je pensais pas que ça se faisait pour vrai. Je pensais que c'était juste un gag qui se promenait sur la planète, parce que je dis ça souvent, que je veux m'acheter une chèvre pour faire le gazon. On a vu les images une fois de temps en temps, parce que moi, je les avais croisées de ces chèvres-là chez Google. Mais c'est pour vrai. Un chien a sauvé la vie de son propriétaire en lui mordant l'orteil. Et non, ce n'est pas un jeu sexuel. Explique-moi. Pourquoi il aurait sauvé la vie si ça aurait un lien avec un jeu sexuel? Parce que tout a un lien. Dans ta tête. Dans ma tête. Un chien qui s'appelle Kiko a senti l'infection dans la grosse orteille droite. Le gros orteil droit, c'est droit. Le gros orteil droit, On se comprend. De son propriétaire. Bref, Jerry Dothet, le propriétaire de Kiko, était un peu dans les pommes dans son lit. Kiko a mangé l'orteil. Étant donné qu'il avait bu 32 onces de margarita, il n'a pas ressenti la douleur de se faire arracher l'orteil. Plus tard, les docteurs ont découvert que Dothet avait un diabète de type 2. Il souffrait d'une infection dangereuse dans l'orteil que le chien a mangé. Il a terminé ce que Kiko avait démarré, commencé, donc amputé le reste de l'orteil. Finalement, la raison pour laquelle Dothet était sous, c'est parce que sa femme croyait elle aussi qu'il avait un diabète et lui a suggéré d'aller chez le médecin. Le gars l'a pas pris, il a commencé à boire, tombé dans les pommes, le chien mange l'orteil. C'est quelque chose. Hein. C'est vraiment une histoire étrange. Les chiens vont suivre ton regard si tu leur pointes, si tu regardes en même temps qu'eux, mettons avant eux, tu regardes à un certain endroit, les chiens vont suivre ton regard. Okay? Peux-tu être moins clair? Ben, ce n'est pas super gros, je t'explique. Donc, on peut diriger l'attention d'un chien en quelque part en les regardant eux, en regardant le chien en tant que tel, et ensuite en regardant ailleurs. Leur regard va suivre le mouvement. Les chiens comprennent ce que ça veut dire. L'étude a été faite avec des enfants aussi pour voir comment ils réagiraient en regardant quelque chose, dépendant de l'expression dans la face de l'adulte. Donc, ils ont utilisé la même tactique avec le chien. Donc, les chiens regardaient des présentations vidéo d'un humain qui regardait un de deux objets. Les yeux des chiens et leur tête étaient surveillés par un tracker. Et finalement, ils avaient tendance à regarder les mêmes objets que les humains. Ah! Donc, c'est une étude qu'on dit significative pour étudier le comportement social des chiens et aussi la communication interespèce. Ça doit pas marcher avec les chats, hein? Non. Eux autres, ils jettent un regard blasé. Sûr. Si tu me veux. Sûr. Donc, regardez le chien intensément et ensuite regardez ailleurs, ils vont suivre votre regard. Mais il va pas prendre ça pour de l'agression? Pas supposé. Parce que intensément, c'est relatif. Ouais, c'est ça. Pas violemment avec des coups dans les yeux. Juste regardez-le intensément comme soutenez son regard. Je te tiens par la barbichette de 1, 2, 3, 4. En Allemagne, on a des lois très spécifiques par rapport aux abeilles. OK. Donc, si un gros nuage d'abeilles qui vous appartient, OK, s'enfuit jusque sur le terrain d'une autre personne, qui est maintenant propriétaire de ces abeilles-là? Ben, ça dépend de plusieurs choses en Allemagne. Les abeilles ne sont pas considérées comme des animaux domestiques. Donc, comme la plupart des animaux sauvages capturés, s'ils s'enfuissent, ils sont considérés comme s'enfuient, ils redeviennent sauvages et ont donc plus de propriétaires à ce moment-là. Avec les abeilles, c'est Noël, je te les ai payés. Ben, c'est ça. Il y a une exception chez les abeilles. Si immédiatement et sans aucun délai, tu poursuis ton nuage d'abeilles. Oui, ce qui donne vraiment le goût. Hein? Moi, c'est clair que s'il y a un tas d'abeilles, je cours dedans. Hein? Mais quand tu travailles avec elles, j'imagine que tu es habitué. Mais bref, quand tu n'as pas de délai du tout, tu peux réclamer le fait que tu es propriétaire quand même. Même s'ils finissent sur la propriété de quelqu'un d'autre, tu as le droit d'aller sur sa propriété et de reprendre tes abeilles. Mais c'est parce que là, tu es en train de me dire que si c'est un chien qui va sur le terrain à côté, t'as perdu ton chien. Non, parce que c'est un animal domestique. Je crois que c'est ça la différence. OK, c'est un animal sauvage, c'est ça? C'est ce que j'en parce comprends. Parce que tu peux pas les posséder en théorie. C'est exact. Mais il y a une autre exception, par contre. Si les abeilles décident de se faire une petite maison, hein, et qu'ils ont décidé d'habiter sur ce terrain qui ne t'appartient pas, alors le propriétaire de la propriété devient propriétaire des abeilles, finalement. OK? Donc, ça j'imagine du sens parce qu'ils se sont établis sur ce terrain-là et ce serait probablement impossible de séparer deux nuages ou deux groupes d'abeilles qui se sont combinés. Si deux ou plus de ces groupes d'abeilles-là volent ensemble et se fusionnent, alors là, les deux propriétaires peuvent se séparer la propriété de cette nouvelle équipe combinée. C'est donc bien compliqué. C'est en Allemagne, ça. Mais c'est compliqué. If, et bon. Puis les mouches noires, eux autres. Ce sera un autre article, pour une autre fois. Le plus vieux chat du monde, Steph. What? Qui a probablement plus de 40 ans. Il est tabarouette. Le livre des records Guinness de 2010 listait, en fait, le chat Cream Puff. Et Cream Puff. Comme le chat qui vivait depuis le plus longtemps. J'ai déjà entendu parler de Cream Puff. Mais Cream Puff est mort. Ah ouais. En 2005. Et un chat nommé Lucy a pris la place en tant que la plus vieille chatte active dans le livre des records Guinness. Lucy qui est probablement plus vieille que Cream Puff, même. Ben impressionnant. Hein? Cream Puff avait 38 ans et 3 jours le jour de sa mort. Lucy est maintenant âgée de plus de 40 ans, selon certains experts, mais son âge exact n'est pas connu. Le propriétaire de Lucy, Bill Thomas, l'a amené chez le vétérinaire qui a dit « Elle est très vieille, mais c'est impossible de vous donner son âge exact. » Cream Puff était connu pour être l'un des deux plus vieux chats du monde. Les deux étaient donc Cream Puff et Lucy, la propriété du même homme. Ah ouais? Ouais. Les deux ont été en vedette dans le documentaire South Paws. Les chats, leur alimentation de la journée, c'est du bacon, des œufs, du brocoli et du café chaque matin. Ça, c'est juste pour Cream Puff. Tu me niaises. Je te niaise même pas. Bacon, œufs, brocoli et café. Alors que Lucy, elle n'a pas de diète unique comme celle-là, donc peut-être que la diète n'a rien à voir avec sa longévité. Ok, ben je m'en allais m'acheter du bacon, puis des œufs, puis du brocoli. Ça fait semblant que tu écoutes ce que tu veux entendre, hein? T'entends ce que tu veux écouter. Tournée de bacon pour tous! On reste chez les chats. Il y a un musée en Russie qui emploie des chats. Ils ont même leur propre carte d'identité. Hey, ça, c'est cool! C'est le Hermitage Museum de Saint-Pétersbourg qui emploie des chats avec leur propre carte d'identité. Le musée emploie des félins depuis qu'il a été fondé en 1764. Ils doivent garder les tableaux d'art, ou en tout cas l'art en général, les protéger des rongeurs. Ah. Les rongeurs dont on pourrait évidemment se débarrasser de nos jours avec des produits chimiques, mais ça n'a pas toujours été le cas. À travers l'histoire du musée, il y a plusieurs fois où les chats étaient absents du musée et les rongeurs devenaient toujours un problème. Donc, à la place, on a décidé de garder les chats en tout temps. Ils sont rendus des légendes vivantes et les mascottes non officielles du musée. C'est tellement cool. Le musée qui emploie jusqu'à 60 chats à la fois, il se fie sur les dons des visiteurs du musée et des employés pour payer la nourriture et les soins médicaux de ces chats-là. Et lorsque nécessaire, c'est lorsque nécessaire, on demande de l'argent parce que le musée n'a pas officiellement de budget pour les chats. Ah, OK. Il n'y a pas de colonne chat. Si le nombre de chats excède 60, tu pourrais me demander, mais pourquoi 60? Hein? Les chats commencent à se battre et à négliger leur charge, leur tâche. Donc, 60, c'est le max qu'on peut prendre. Ah! Ces chats-là s'appellent les ermites. Ils sont bien respectés par l'équipe du musée et par les citoyens de Saint-Pétersbourg. Il y a même une journée par année qu'on appelle l'Hermitage Cat Day. Et ce jour-là, le musée a plusieurs expositions remplies d'informations et de concours sur les chats. Oh, j'aime donc bien ça. Mignon. Ça donne le goût d'y aller. Mais Saint-Pétersbourg. Moi, je me roule d'un chat. Les chiens et les éléphants ont un trait en commun. C'est les seuls animaux qui comprennent les gestes humains. Un peu comme tantôt avec le regard des chiens. OK. On peut faire ça avec un éléphant. On peut faire ça avec un éléphant, mais pas nécessairement le regard. Ici, on parle plus de pointer des choses. Okay. Des fois, on dit que c'est pas poli de pointer. Ah ben, avec un éléphant, ça compte pas. Avec un éléphant, en fait, t'as pas le choix si tu veux te faire comprendre. Hein? En tant qu'humain, on comprend que lorsque quelqu'un pointe avec son doigt, ça veut dire probablement qu'il nous attire l'attention vers ça. T'sais. Ils veulent nous attirer. Ah oui. Donc, ils sont nécessaires avec n'importe quel animal. Ils vont juste vous regarder, surtout un chat, tu l'as dit tantôt. Ils vont continuer à juste demander de la nourriture ou faire ce que les chats font d'habitude. Se laver, dormir. Faire quelque chose. Donc, les chiens et les éléphants sont les deux seuls animaux qui comprennent nos drôles de gestes de doigts. Un professeur a reçu l'accès à 11 éléphants pour essayer de pointer, de faire un test de pointage. Il utilisait des sons et pointait le seau qui avait des fruits dedans. Les éléphants avaient ensuite le droit d'aller soit directement vers le seau pointé ou encore de chercher le seau qui avait des fruits eux-mêmes. Ils choisissaient le seau correct à 67,5%. Quand même! Pour comparaison, les enfants bébés qui apprennent instinctivement le pointage très jeune passent le test 73% du temps. Ben là, c'est assez proche, hein? Ça va très bien, le pointage. C'est 3-0. Et les chiens ont été élevés pour comprendre les gestes humains. Ils les imitent eux-mêmes, par exemple, pour la chasse. En fait, les chiens vont battre les singes, qui sont nos plus proches relativement parlant. Cousins, c'est ça. Donc, ils réussissent le test du pointage la majorité du temps. Ah! Mais les chiens les battent, les singes. Wow! Et finalement, la première image à avoir été affichée sur un Macintosh était de notre célèbre oncle Picsou. OK. Ouais. Le très connu Macintosh qui a été annoncé avec une publicité au Super Bowl en 1980. Oui, c'est la publicité qui s'appelait 1984, cette année-là. Donc, la première image à avoir été affichée sur un Mac était de Scrooge McDuck, donc oncle Picsou, sur une grosse pile, une montagne d'argent. On pourrait penser qu'un employé d'Apple est évidemment un grand fan de ce personnage de Disney. On aurait raison de penser ça, mais juste un petit peu raison. Il y avait un employé qui aimait les dessins de Disney tellement. Donc, il avait travaillé sur un slideshow, sur une présentation à la genre PowerPoint de l'époque, sur les disquettes, lorsque le Mac était juste un concept et non pas un ordinateur. La personne qui devait tester les graphiques, Andy Hertzfeld, avait besoin de quelque chose à montrer. Dans le fond, il voulait faire un test. Et cette disquette-là était... par hasard accessible sur un bureau, peu importe, dans ce coin-là. Donc, il travaillait très, très fort pour essayer de faire fonctionner la carte graphique. Hertzfeld a remarqué que la machine n'avait pas de contrôleur de disque. Donc, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas lire les disquettes. Okay. Il ne pouvait pas éteindre et rallumer cette affaire-là. Ben, il ne savait pas comment ça fonctionnait les Mac à l'époque. Lui, il connaissait les graphiques. Mm-hmm. Il connaissait juste ça. Donc, il y avait un homme. La personne qui aurait été capable de le faire était déjà retournée à la maison. Un homme qui était au courant de comment faire fonctionner ça, c'était Cliff Hudson. Il a vu que Hertzfeld avait des difficultés. Et donc, il est venu l'aider. Il disait que tu pouvais insérer le contrôleur disque, si tu savais comment le faire, puis tu faisais correctement. Donc, avec un seul mouvement bien rapide, il l'a inséré. Et juste après, l'image de Scrooge McDuck, oncle Picsou, était la première image affichée sur un Mac. Wow! Wow, hein? C'est relativement pas tout à fait animalier, mais on termine là-dessus. Ouais. Ben oui, c'est correct. C'est un canard, oncle Picsou. Oui. Faut pas m'en vouloir, c'est un canard. Je t'en veux pas. Scrooge McDuck! C'est tout pour cet effet, édition Animaux. Animal Edition. Cool! Ben, pas cool, c'est fini, là, mais c'était cool. Eh ben non, mais non, c'est ça, on en prendrait plus. Peut-être qu'on va devoir en prendre plus. Tantôt. On sait jamais. On sait jamais trop, on est lundi. Au retour de la pause, ben d'autres affaires. Ben d'autres affaires. Sûrement un petit son foutu palmarès, puis des affaires pour remplir. Assemblage requis dans 2 minutes recette. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, il est 8h09, c'est ça? Ça va faire ça toute la semaine. Non, on m'a arrangé ça assez vite. 8h09, ce lundi matin, 3 novembre 2014. Tantôt, Steph, on va faire un son foutu palmarès. Tellement, ben oui. Un palmarès, une liste sur un sujet donné. Mais avant ça, allons écouter The Stripes. OK. OK? Avec... Oui. Excuse-moi, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, là, t'as l'air d'avoir un fou rire pas tout à fait, explicable. Tout à fait compréhensible. Ben, tant mieux! Évry de la drogue! Hey! Well, baby, why don't you hit me with lightning? So I can bottle it up and save it for a rainy day. And baby, this loving is frightening. Oh, but it's only the calm before the tempest gets on its way. Well, we could be the perfect storm. I feel it coming and it won't be long. Well, we could be the perfect storm, so let it rain. Well, baby, why don't you show me your thunder? Yeah. Perfect Storm par The Stripes à Assemblage Requis. Une fois de temps en temps, quand ça donne, on aime bien parler de choses dans un ordre précis ou pas vraiment. Et on appelle ça son foutu palmarès. Son foutu palmarès, allez tous vous faire voir une liste sur un sujet précis. Donc aujourd'hui, on parle de formes de pâtes amusantes parce que c'était récemment le jour mondial des pâtes le 25 octobre dernier. Ça veut dire ça, Steph? Non. Non, mais c'était le jour des pâtes. 25 octobre. Oui. Ah, voici, je n'aurais mangé. Oui. Alors, je l'ai sûrement mangé, en fait. J'en mange souvent. Ah là, c'est quoi le film avec les deux chiens qui se mangent du spaghetti? La cloche est... Qui se mange le spaghetti. C'est idiot, moi, ouais, c'est ça. C'est, La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, voilà. Oh, avec Jim Carrey. Jeff Daniels et Jim Carrey, exactement. C'est, je comprends tout. Donc, on peut célébrer cette fête-là en mangeant des classiques. Bon, spaghetti, fettuccini, macaroni en forme de coude, là, puis lasagne, c'est super ennuyant. D'ailleurs, j'ai mangé la lasagne, je pense, peut-être même le 25 octobre. Je me suis pris une lasagne toute faite, là, genre... c'était bon en maudit. Lasagne, Caroline, je mange jamais ça. Je m'en suis fait une vraie bonne avec du fromage cottage, bon, petit capicolo épicé, c'était vraiment bon. Ça a l'air écœurant. Mais donc, une petite liste des pâtes qu'on connaît un petit peu moins. Par exemple, le strozzapreti. Hé, je connais pas ça. Strozzapreti. Ça veut dire l'étrangleur de prêtre en italien. Bien sûr. Et elle serait présumément nommée en honneur d'un prêtre glouton qui les mangeait juste trop rapidement. Donc, okay. ça ressemble un peu à un penne, ou d'autres formes de tubes de pâte. Et ensuite, tortillé. Et genre, fendu. Fendu en long. C'est ça, fendu et c'est... ensuite tortillé. Parce que ça serait comme des mini lasagnes repliées en rond. Ouais. Mais en tout petit, genre grosseur macaroni. Là. Genre, et c'est fait pour ne pas avoir l'air uniforme. Ça marche. Ils sont pas tous supposés être pareils. C'est lit. Mm-hmm. Ben moi, non, moi, je trouve ça bon. Je trouve ça bon. Ben non, mais qui c'est qui a inventé ça? Il y en a tellement des belles, là. C'est juste des petites pâtes fendues. Ouais. Donc, on commence en roulant une très, très grande feuille de pâte, un peu comme la lasagne, comme tu as dit. Ensuite, on la coupe en bandes et ensuite, on les roule à la main. Tout ça est fait à la main. C'est pour ça que c'est pas uniforme. Ensuite, les farfales. Ouais. Ah, ben ça, on les connaît. Farfalini, farfaloni. Hein? Les farfalés. Le très versatile nœud papillon, comme je les appelle d'habitude. Disponible en trois grandeurs pour chaque appétit et chaque repas. Hein? Donc, t'as la version traditionnelle, la farfalle, une version plus grosse qui est la farfalloni. Et ensuite, une petite type qui fonctionne dans les soupes, entre autres. On fait des soupes avec ça. Ça, c'est des farfallini. Hein? Ah, oui, oui. C'est un petit peu plus difficile à comprendre, là, la différence entre les prononciations. Mais bon, donc, la pâte plus épaisse, la farfalle, peut tenir des sauces un petit peu plus volumineuses avec des morceaux de tomates, etc. Donc, dans des plats, tout en gardant son croquant pâteux. Ben oui, parce que est-ce que tu savais que chaque forme de pâte était associée avec une sorte de sauce? Ah non, je savais pas ça. Parce que la forme de la pâte va mieux retenir certains types de sauces. Donc, les sauces crémeuses, les sauces tomatées, tout ça... Ils vont avoir des associations différentes avec les formes de pâtes. Ah. Je pourrais pas te dire lesquelles, mais c'est tu pourrais te faire taper ses doigts par des Italiens si tu mélanges pas les bonnes sauces avec les bonnes formes de pâtes. J'imagine qu'il faut une pastille de pâtes pour comprendre quelle sauce faire avec. Mais ça, là, c'est une opportunité ratée, un magasin de pâtes. Là. Alors, ça pognera pas. Voyons, un magasin on de pâtes? À Trois-Rivières. Un Mia Pasta, mais en magasin à la place d'un resto? Pas sûr. Hey, t'as vu qu'il ouvre un Angéline? Côté de chez nous? Bizarre, je sais pas ça. À côté de chez vous? L'ancien Meia Pasta, c'est dans l'Angéline 2. Ah oh, ouais? Anecdote demain. Ah! Eh ben. Ils ont mis la pancarte comme beaucoup trop tôt, fait que je le sais déjà. C'est comme pas spoiler. les pipe rigate. Ou encore pipette rigate. C'est comme les rigatoni, mais en coude de macaroni. Ça ressemble, c'est ça, à un coude de macaroni rayé, je te dirais. Ben, c'est un rigatoni plié. Ah, c'est ça. Ben, tu vois, moi, j'ai de la misère avec les noms, mettre les noms sur les faces, un peu comme les humains. Ben, imagine ça, ce que tu vois, là. Le coude rayé. Mais pas coudé. Pas coudé? Ça devient un gros macaroni, ça, c'est un rigatoni, c'est ça? C'est ça. D'accord. Mais c'est parce qu'il est comme stripé. Hein? C'est ça, il est stripé en masse. For her pleasure, comme on dit. Donc, on dit que c'est la nouvelle sorte de pâte pour les fans du macaroni en coude. Donc, okay. Le pipe rigaté et sa plus petite version, les pipettes rigatées, hein, qui est donc la même forme que macaroni plaisante dans la bouche. Donc, avec une portion un petit peu plus fermée. T'as vu, ça a l'air de juste d'être déformé, mais il y a un côté qui est très, très rond et l'autre côté qui est plus aplati. C'est normal. Oui, oui, c'est voulu. Vrai. Donc, c'est fait pour tenir des sauces un petit peu plus volumineuses encore. Oui, parce qu'en plus, c'est stripé, fait que d'après moi, ça pogne d'un coin. Mais ça pogne d'un coin, ça a donné son 110%. Ensuite, le radiatori. Là, ça, tu peux radiateur. Pas, c'est ça, tu peux pas faire autrement que de penser que ça ressemble à un radiateur ou encore à un mille-pattes vidé de son intérieur. Tu trouves pas? C'est donc ben, c'est comme, c'est tout simplement les tourelles là, qu'on appelle. Les tourelles, je connais pas ça. T'as jamais entendu ça? Non. Les fusiliers, là. Okay, ben, oui. Ben, c'est ça, mais coupé en deux. T'as tout à fait raison, c'est ça, exactement. Parce que d'habitude, on verrait un ressort, d'habitude. Ouais, un spring. On l'a coupé sur son horizontalité. Exactement. Et ça donne un radiateur, un radiatori. Donc, c'est encore une fois pour les sauces plus épaisses et les grosses casseroles et autres mets comme ça, très volumineux. Les enfants aiment leur forme amusante. La légende nous dit que ça a été créé par un designer industriel dans les années 60, mais certains retracent la création de la forme à l'époque entre les deux guerres mondiales. Hey, ça doit être long faire ça à main. André, j'ai de la misère à imaginer comment tu fais ça. J'avoue. D'après moi, t'as besoin d'une espèce de petit bâton de bois. Tu mets ta pâte dessus puis tu l'aplatis avec tes doigts tout le long du petit bâton. Ça doit être très long pour rien. Je veux même pas m'imaginer la job derrière ça. Ensuite, le stellé. On étudie toi! Les stellini. Évidemment, je connais pas les prononciations italiennes, mais c'est des pâtes en forme d'étoile, comme tu as dit. C'est un succès avec les enfants depuis toujours. Les stellés viennent en deux grandeurs. Pas les enfants, là, Moussi. T'as le droit, tu sais, t'es un enfant de cœur. Donc, les plus grandes, c'est les stellées. Elles sont fines, hein? Donc particulièrement bien avec juste du beurre et du sel. Tu mettras pas de sauce après ça, ça tiendra juste pas. Là. Ça tiendra pas du tout. La plus petite, c'est les stellines, donc qui sont préférées dans les soupes. Oui, ben oui. Soupe à bouillon, bien sûr. Cappelletti, c'est notre prochaine sorte de pâte amusante pour la journée mondiale des pâtes. Cappelletti. Hey, ils ont fait ça à Masterchef il y a deux semaines. On dirait des petits croissants avant de cuire. C'est vrai, ça a l'air très complexe à faire. Ouais. Donc, ça ressemble à des petits chapeaux. En fait, on les appelle souvent les chapeaux alpins, alpine hats. Les cappelletti sont pliés et ensuite tordus pour faire leur forme unique. Certaines versions sont pliées pour contenir un petit peu de viande à l'intérieur, un peu comme un ravioli petit en forme de triangle. Je te dirais que ça ressemble plus à un tortellini qu'à un ravioli. C'est vrai, la différence entre un tortellini et un ravioli... Ben, la forme. La forme. Il y en a un qui est en genre de boucle, genre brioché, c'est ça, là? Ben, le ravioli, là, il est aplati, là. Ouais. C'est comme deux feuilles de pâte, une barre de l'autre, tu mets une petite farce dedans. Qui est cubique, rectangulaire, précis. Moi, ça peut être un triangle, ça peut être un carré, d'accord. Ça peut être un rond, là, ça, c'est pas important. C'est délicieux dans la bouche, de toute façon. Ensuite, les anelli et anellini. Ah, hein? Un autre c'est bon bizarre, choix. Ça. Un autre bon choix pour les soupes ici, c'est des anelli en forme de rondelle ou d'anneau ou de bague. Il y a la plus petite version qui est des anellini. Ça cuit très rapidement, ça tient sa forme dans du bouillon, ça ressemble à des jujubes, je trouve, dans l'image. Mais c'est des petits anneaux. Simple, des bagues. Les campanelle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une pâte en forme de cloche. On dirait un champignon. C'est vrai que ça ressemble à un champignon. Ou un devant de coquillage quand tu le regardes de devant. C'est vrai. Ce que j'imaginerais être le reste d'un cordon ombilical aussi. Donc c'est... Tu trouves pas, on dirait. C'est quoi ton image de ça? J'en ai aucune. On dirait que ça ressemble à de la peau, je trouve. Donc forme roulée avec les... C'est une fin de circoncision. Ben ouais, j'allais le dire tantôt, je trouvais que l'autre était plus approprié. Avec les bouts un petit peu genre farfelutés, un petit peu genre tassés, un petit peu pour avoir l'air comme agacé, un peu comme des cheveux tassés ou ébouriffés. Donc assez gros pour soutenir encore des sauces à la viande, des sauces volumineuses. Choix populaire pour les salades de pâtes froides, avec un petit peu de légumes, de fromage, parce que sinon les fromages et les légumes plus lourds ferait s'effondre les pâtes, donc ça garde sa forme dans ce cas-ci. Ça fait un bol genre qui a l'air à moitié vide parce que tout pèse ses pâtes. Genre. Ah. C'est ce qu'on nous explique. Donc le nom veut dire, je crois que c'est chou-fleur en italien, bellflower. Il me semble, mais je suis pas sûr. On va aller voir. Bellflower? Peut-être c'est pas. Pas chou-fleur? Non, mais je pense que t'as raison que c'est pas ça. Puis évidemment, Internet, à chaque jour à cette heure-là. Mais bellflower, c'est juste comme fleur à cloche. Fleur cloche. Une bref. Cloche de fleur. Là. Peu importe, mais c'est en Italie. Ensuite, cavatappi. Cavatappi, celui-là, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Là. C'est un genre de cheveux. On dirait une couette de cheveux. frisé. Frisé. Très, très frisé. Encore une fois, avec des bandes dessus, donc des lignes tout le tour. Et c'est ça. Donc, c'est très joli. C'est comme le prochain, la prochaine étape après le macaroni tordu. Tu sais, on a déjà vu les macaronis tordus plus longs qu'un épaule, simplement. Mais encore une fois, frisé avec des bandes. Donc, Cavatappi. Et puis, c'est ça. C'est à peu près ça, finalement. C'est beau, ça. Ouais. J'aime ça, ça. C'est joli. Ensuite, toujours dans la liste des formes de pâtes étranges pour la journée mondiale des pâtes, qui était le 25 octobre dernier. L'aurais-tu été? Ça ressemble à des têtes de champignons. Ça ressemble à un jeton mis en forme de bol. Ça ressemble à un chapeau. Ça ressemble à bien des choses. C'est des petites oreilles, aurais-tu été? C'est l'origine du mot. Donc, ça ressemble à un petit bol ou une petite oreille, un petit lobe d'oreille. Souvent utilisé pour des sauces épaisses. Donc, ça va coller à son intérieur concave. Ou convexe, si tu le regardes de l'autre bord, dépendant. Ouais, c'est ça. C'est comme un petit bol. Un petit bol, pas trop profond. Même moi, de la sauce là-dedans, c'est un petit bol. Mais oui. Ensuite, les rotelles. Ah, les roues de tracteur! Roues de tracteur, exactement. J'ai pas mangé ça souvent dans ma vie, mais ça se pogne bien à fourchette, ça. Non, moi, la seule fois où j'ai pris ça, c'était pour faire du bricolage. Ah, c'est vrai. On les fait pas cuire. Ben non. C'est personne qui mange ça. Donc, parfait pour les enfants. C'est en forme de roue, comme tu l'as dit. Amuse-toi à regarder et à manger, bien sûr. Parfait pour à peu près n'importe quoi. C'est rempli de différents trous et de différentes surfaces. La sauce peut coller à tout ça. Et c'est merveilleux pour les viandes et les légumes. Ensuite, le cavatelli. Hein, on dirait des pains hot dog vapeur. Ah, c'est vrai, ou un petit pain nan plié, ou un pita, je trouve, mais minuscule, c'est super beau. On le voit sur la photo sur assemblagerequis.com, dans une cuillère de bois, et on les voit que c'est vraiment minuscule par rapport à la taille. Ah oui, c'est pas gros, c'est quasiment comme des gros grains de riz. Exact. Donc, c'est un petit cousin rapproché du Strozzapreti avec lequel on a commencé en début de chronique. Mm-hmm. Et donc, cavatelli qui est coupé aussi de grandes feuilles de pâte et ensuite roulé en plus petits morceaux. Les cavatelli sont plus petits que les Strozzapreti, comme on peut le remarquer. Et la pâte est plus épaisse, donc ça ressemble, comme tu l'as dit, à des pains à hot dog. Mm. Ensuite, on dirait le nom d'un autre Tortue Ninja, mais les Ditalini. Il n'y a pas Donatello. Ditalini, c'est donc bien dur à dire. Et pourtant, c'est tellement le mot le plus simple qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est le plus dur à dire. Mais tu sais, c'est tout le même. On dirait que les mots difficiles, j'ai bien la facilité. Mais c'est Italini, c'est comme italien, mais avec un D. Jean Ditalini. Ça vient. Jean Ditalini, ben Italini. Non, vas-y. Tu parles de Jean l'Italien? C'est ça. Tu parlais pas de Jean l'Italien? L'acteur de Virginie? Ouais? Non. Ben, il me semble que c'était ça, Jean d'Italien. Oui, c'est une nouvelle sorte de pain aussi, je pense. En tout cas, bref. Une version plus courte et plus petite des célèbres pâtes en tube, comme les penne et les rigatoni. Ditalini, c'est un autre bon choix pour les soupes. La forme est très populaire en Sicile. En Italie, Sicile, c'est ce qu'on dit, je pense. Ouais, ouais. Donc, la pâte est utilisée dans plusieurs sortes de repas, dont des casseroles et des salades de pâte. Ensuite, contigli, on va dire ça. Oh, les coquillages. Les coquillages. Les petits coquillages. On dit parce inconnus. Parce que t'en as des gros que tu peux farcir. Je pense que c'est ça la différence, qui fait que c'est peut-être un petit peu moins connu. Donc, c'est des pâtes en forme de coquille, une alternative populaire aux macaronis, surtout dans du macaroni au fromage. Oui, le Kraft Dinner 3 fromages, c'est ça, des petites coquilles dedans. Ça pogne tellement plus dedans, c'est tellement plus délicieux dans la bouche. J'adore ça, c'est très très bon. Donc, parfait pour bien des repas. Et ça retient les ingrédients plus épais, plus solides. Ensuite, ça c'est un autre, je trouve, un classique qu'on met dans la liste des pâtes les moins connues, mais les gemelli. Mais ça dépend, le moins connu où? Ben c'est ça, c'est moins connu à travers le monde. Mm-hmm. Donc, gemelli, c'est un petit... ça ressemble un petit peu au macaroni. Ben en fait... C'est comme une tresse, mais à deux branches. À deux branches, et il n'y a pas d'intérieur à ça. Donc, c'est pas comme un macaroni. J'allais dire que ça ressemblait à un macaroni en coude tortillé, mais il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'intérieur. Ben ça ressemble à un macaroni... En fait, c'est comme un macaroni long tortillé. Ouais. C'est quoi, macaroni long? Macaroni long tout seul, qui est juste comme... qui n'a pas de milieu, qui n'est pas vide à l'intérieur, c'est ça? Y est-tu vide à l'intérieur? Ou c'est juste un large... C'est quoi, macaroni long? Je pense qu'il va falloir que tu m'expliques dans ce cas-ci. Imagine un coude déplié, puis super long. Mais moi, je pensais que c'était ça, mais il y a donc un centre vide. Oui. C'est ce que je voulais savoir. C'est ça. Mais ça ressemble à ça, là, je trouve. Oui. Donc, ça ressemble à un fusilli, à un rotini. Donc, le gemelli qui offre plus de longueur, plus de densité. Donc, il y a plus de surface à mordre. Évidemment, ça prend plus de temps à cuire aussi, mais ça, je pense que c'est assez évident. Donc, c'est ça. Ça ressemble à deux pâtes tortillées ensemble. Ce qu'on fait, c'est qu'on roule une seule... un seul fil de la pâte et ensuite on tord le fil en tant que tel. Donc, c'est, je crois, un seul fil de pâte. OK. Je crois que c'est ça la différence parce que c'est pas ce qu'on décrivait tout à l'heure. Je pense que c'est un seul fil tortillé sur lui-même. Ah, je pense que oui. Et non pas deux macaronis fusillés ensemble. Ah, ouais. Fusionnés ensemble. Ah, mais ah, c'est bizarre. C'est pas ce qu'on pensait, hein, tu vois. Mais c'est parce que ça a l'air de tout ça pareil. C'est ça, ça a l'air à ça sur la photo et je trouve que la photo est tellement brillante dans sa luminosité qu'on a de la misère à faire la différence entre qu'est-ce qui est foncé et qu'est-ce qui est un intérieur vide. C'est bon pour une salade de pâtes et des sauces crémeuses, nous dit-on. Donc voilà, c'est 15 sortes de pâtes amusantes, moins connues pour la Journée mondiale des pâtes, qui, rappelons-le, avait lieu le 25 octobre dernier. Fait qu'on se reprend le 25 novembre, ouais. Puis on se refait des pâtes. Ben, quin! Juste pour être sûr. Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. On est déjà rendu à la prochaine pause. Mm-hmm, déjà? Que le temps a passé vite. Au retour, on va être rendu au bloc pub et plus tard, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alexandre Carignan. Et sa chronique La boîte à musique. Croise les doigts. Alors, tout ce qui a eu lieu le lundi n'a pas été selon le plan. Même. C'est au retour, mais pour l'instant, l'Info Campus. Fou d'exploration. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, 8h32 en ce lundi matin. Fraîchement changé d'heure. Oui. On est chanceux, pareil, de vivre ça deux fois par année. Mais oui, on peut dormir une heure de plus. Ça fait du bien, par contre. Ben oui. 90% de mon sommeil cette nuit. Oh! Ça arrive pas, ça, 90%. Wow! Wow, hein? Tiens, justement, retournons dans les années 2000, 90%, 80% avec un vieux montage de pub qui nous introduit le bloc pub. Venez au beau marché! Oui, papa! Tout le monde! Je préfère le goût de Burger King. Ouh, papi, papi, belle. Le goût, l'appétit, le goût des adhérents. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. C'est le bloc pub où on écoute, regarde et se renseigne sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité. On essaie de parler pas de trop de choses que vous connaissez déjà. On essaie d'y aller dans le plus rare un petit peu. Commençons avec un cellier parlant pour les vents du Languedoc. Imaginé par Sopexa et Brad, le premier cellier mobile du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc s'est promené cet été dans les rues de Montréal. Pensé par Sopexa et Brad, celui-ci est téléguidé, doté de caméras GoPro, micro et enceinte, retransmettant la voix d'un comédien caché du public qui discute avec les passants. Ces interactions permettent au Conseil interprofessionnel de partager sur une note humoristique de l'information sur cette région vinicole. On va entendre un extrait dans quelques instants, mais vous pouvez retrouver la vidéo sur assemblagerequis.com. Des mouvements et des rencontres dans Montréal... entre Montréal et ses habitants. Donc, on va aller écouter cet extrait du cellier de Languedoc. Donc, des gens qui se promènent dans la rue, bien sûr, à vélo, à pied. Ça, c'est la machine qui parle. Mais elle y suit! Elle y suit. Bonjour, monsieur! Et elle a une grosse fente en haut et deux yeux, genre, elle est peur, hein? Bonjour, je me présente, je m'appelle Cellier du Languedoc. Ah oui? Je vends l'amour. C'est des vins de plaisir. Là, c'est la machine, elle se retourne lorsqu'une fille passe. Il y a une belle fille qui passe, donc la machine se retourne. Un grand, une moyenne et une petite. Qu'est-ce que vous faites dans le parc à cette heure-là? Vous vous promenez? C'est tout? La pétanque. On joue à la pétanque. Ah, ça joue à la pétanque. Alors, tu pointes à la pétanque. En bibi. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Ben, j'imagine qu'ils sont allés dans des quartiers où il pouvait y avoir des gens peut-être un petit peu plus vins de grand renom. T'sais. Wow! Pouvez-vous tourner sur vous-même? Et ils lui font essayer une robe qui vient d'acheter au magasin. Ok, j'ai une question quiz pour vous. Tu fais un quiz? Oui, avec toi. Allez, vas-y. Alors, si tu réussis à trouver la région qui produit le plus de vin au monde, je te donne une bonne bouteille dans mon ventre de Languedoc. Vous allez vous dire le Languedoc, alors? Eh oui, allez! Languedoc. L'Octobre. Elles sont fortes. Elle a gagné. Hey, collez-vous, collez-vous. Mais là, j'en veux une bouteille de vin, moi aussi. Mais, je dois dire que je trouve l'idée particulièrement intéressante. C'était peurant au départ, mais... Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment traumatisant. Moi, je vois la machine, puis ici, je me sauve. Oui, vraiment. Mais et sympathique, c'est tout est dans l'exécution, tout est dans la voix choisie. Ça aurait été quelqu'un genre de vraiment super sérieux que tu imaginerais en habit qui vendait du vin. Ce serait prétentieux. Là, c'est pris genre à la légère. Il y a même des musiciens de parc qui se mettent à y jouer de la musique. Et évidemment, la lumière reste allumée dans la machine pour montrer que son cœur est là, là-dedans. Mais non, c'est parce qu'ils ont fait deux yeux, une petite bouche, et tu vois les haut-parleurs sur le côté du visage. Ça fait comme des joues, comme s'il y avait des... Comme s'il y avait les joues rosées, là, ça fait très, très chaleureux. Je veux dire, tu vois le design du visage. Oui. Le visage, entre guillemets, a été très bien pensé. Très bien fait. Ensuite, Oreo, c'était l'Halloween récemment. Vous savez, Oreo qui a créé ses propres monstres pour l'Halloween. C'est une nouvelle campagne signée 360i qui met en scène des numsters comme nom nom nom nom, comme quand tu manges. Présenté quotidiennement sur les réseaux sociaux. Depuis lundi passé, la marque de Kraft Foods présentait un hamster par jour. Chacun était conçu dans un laboratoire imaginaire créé pour l'occasion. L'offensive comprenait l'ouverture du compte Instagram Oreo Lab à consulter sur son téléphone. La première vidéo de la série a été élaborée pour l'Halloween qui durait 11 secondes, pas l'Halloween, mais la vidéo, qui s'adaptait parfaitement au format de Facebook et d'Instagram. Les internautes avaient la possibilité d'inventer un nom pour chacune de ces créatures en biscuit et les meilleurs étaient vite partagés par la marque. C'est ce qui est intéressant, c'est que Oreo allait ensuite en ajouter de plus. On va aller rendre visite à ces petits monstres sur le compte d'Oreo qui est évidemment disponible sur Internet aussi, pas nécessairement juste sur le téléphone cellulaire, même si c'est là qu'ils voulaient qu'on aille le plus. Donc sur Oreo Lab, le Oreo Laboratorium, on retrouvait entre autres... Attention, ben là on monte... On montre des affaires, attends un peu. Là. Est-ce qu'on peut voir le nom des petits... Ah tiens, voilà. On va réécouter ça, je pense. On va réécouter ça depuis le début. Donc, Oreo Bat plus Candy Corn, donc le maïs et le bonbon. Une fois mis ensemble dans le laboratoire, fusionné ensemble, ça fait un petit fantôme avec des ailes en biscuit Oreo. Il s'envole et l'éclair le frappe et c'est la fin. On dit pas le nom de l'Oreo Bat and Candy Corn, moi je sais pas. Non? Mais ils sont tellement cute. Ils sont vraiment très, très cute. Non, c'est super le fun. Puis c'est vu que c'est la communauté qui participait. Je pense, je sais pourquoi il faut que tu ailles le voir sur ton téléphone. Pourquoi? Je comprends pas, moi. Parce qu'il y a plein de photos ensemble. Ça fait une mosaïque. Ah, ben oui, ben oui, c'est sûr. Ben oui. Et c'est magnifique. À l'horizontale sur le téléphone. Mais oui, ça fait une superbe mosaïque. Et tu peux voir tout le laboratoire. Tu peux vraiment tasser. Tu peux faire le tour du laboratoire. C'est magnifique. Pas juste pente. C'est très réussi. Ensuite, la SAQ qui s'adresse aux piétons. LG2 qui signe une campagne de sensibilisation pour la Société de l'assurance automobile du Québec. Le but est d'augmenter la sécurité des piétons. Une partie de cette offensive s'adresse aux automobilistes, l'autre directement aux piétons. Et pour l'occasion, on a réalisé un coup d'éclat dans les rues de Montréal. Quelques automobilistes ont en effet pu observer un cercueil traverser un passage piéton avec mon message « Contre une auto, un piéton n'a aucune chance ». Il y a une vidéo qui peut voir la réaction des participants, donc on va aller bien sûr se taper cette vidéo-là dans quelques instants. L'opération, donc, avec une vidéo et la partie de l'offensive consacrée aux automobilistes comprenait aussi un message radio et une activité de terrain que vous avez probablement vu si vous avez écouté d'autres radios que la nôtre dans les dernières semaines. Donc on va écouter la version cercueil stunt, donc la cascade publicitaire de SAAQ. Les gens marchent dans la rue, toutes les vidéos commencent pareil. Hein. Chaque année, des dizaines de piétons perdent la vie en traversant la rue. Comment dire aux automobilistes de faire plus attention? Donc, le petit passage piétonnier qui s'allume. Donc, on voit le cercueil passer avec des pieds. Évidemment, c'est quelqu'un qui est dans un cercueil. Donc, on a fait marcher le message. Ça n'a pas l'air confortable. Non, exactement, vraiment pas. Donc, on voit les jambes sortir d'un cercueil. Il y a pas, j'aurais pensé qu'il y aurait eu deux personnes dedans pour que ce soit plus facile à porter, mais non, une seule personne. Donc, évidemment, les gens qui se retournent de bord, les voitures qui doivent ralentir, les gens qui sortent leur appareil photo ou leur téléphone. Même dans leur voiture, ils sortent leur téléphone. C'est ça que j'allais dire. Tu vois pas que ça marche pas. C'est à peu près ça. Hein? C'est à peu près ça, Société de l'assurance automobile du Québec. Moi, je suis pas sûr si... C'est un peu... je sais pas. On va regarder la deuxième, voir. On voit un cercueil chez le médecin, finalement. Bref, je sais pas si c'est une morgue, peut-être. On voit donc... c'est difficile à décrire pour moi, un petit peu. Il y a un poteau à la fin avec une main, comme pour dire d'arrêter. Et on voit ce poteau-là dans un cimetière avec une tombe déjà de creusée pour toi. Et ça dit « N'y allez pas ». Et là, ça devient un petit passage piétonnier à la place d'être une main. En fait, tu le vois à différents endroits. Ouais. Tu le vois dans une salle de chirurgie. Tu le vois aussi, tu sais, quand tu as deux barreaux, tu fais de la physiothérapie, tu dois t'appuyer pour marcher. Donc, tu dois réapprendre à marcher. Donc, tu as toujours le petit symbole de la main dans le fond de la pièce, si on veut. Pour dire n'y allez pas à la fin. Et ça dit éviter le pire, traverser dans les règles. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Bah, même traverser dans les règles, tu peux te faire ramasser pareil. On va se le dire. Oui, c'est ça. Oui. Diet Coke, qui présente 2 millions de bouteilles différentes. Tu sais que Coke avait sorti des bouteilles avec des prénoms? Oui. En Amérique du Nord et un peu partout. Mais en Israël, Coke a lancé une offensive qui permet à ses consommateurs de boire dans des bouteilles au design unique. L'idée était de montrer aux fans de Diet Coke qu'ils sont extraordinaires par la création de bouteilles uniques en leur genre, affirme le vice-président de Coca-Cola en Israël. Pour obtenir 2 millions de designs, les équipes de production ont créé un algorithme spécial en collaboration avec HP Indigo. Donc, Geffen Team et Q Digital ont également contribué à l'élaboration de cette campagne. L'offensive comprend aussi des affiches publicitaires pour lesquelles le concept s'est vu prolongé. Chacune est également unique et de plus, une activité de terrain a permis aux consommateurs d'obtenir des cadeaux personnalisés comme des t-shirts axés sur la spécificité de leur bouteille. Cette collection extraordinaire rappelle celle élaborée il y a 2 ans par Absolute Vodka, à la campagne Absolute Unique présentait exactement le même principe de bouteille individuelle. Maintenant, c'est Coke. Moi, je savais pas ça, moi non plus. Non, moi non plus, je savais pas. J'y trouve vraiment très, très belles, les bouteilles de Coke. Ils sont toutes belles. Je pense qu'il y en a pas que je trouve vraiment laides. Mais c'est très, très, très coloré. Oui, c'est très fluorescent. Il faut aimer les couleurs, mais il y en a des un peu plus... comment je pourrais bien dire fade, ça? Fade, presque. Mais pas fade, mais plus discrète, si on veut. Ça peut être des beiges, des gris. Mais tu peux en avoir vraiment pour tout le monde. Exact. Nouvelle campagne pour la LIM, la Ligue d'improvisation montréalaise. Vous connaissez la LIM trifluvienne, la Ligue d'improvisation mauricienne. Mm-hmm. Eh bien, à Montréal, on a une nouvelle campagne qui parle un petit peu de théâtre. Donc, on lance une offensive humoristique et on présente ses presque grands moments de théâtre. Les affiches conçues pour promouvoir la troupe font un pied de nez au théâtre traditionnel en mélangeant mise en scène sérieuse et répliques absurdes. Par exemple, parce que le décorum de notre spectacle est le... je vais revenir plus haut ici. Tragédie dans le parking du Costco. Et là, on voit en noir et blanc une fille qui se met à crier et 2 gars derrière qui font je ne sais quoi. Et donc, tragédie est écrit en lettres majuscules blanches dans le parking du Costco. L'autre à côté, c'est la fille du dépanneur qui gossait. Mm-hmm. Donc, on a un paquet d'autres comme ça. Il y en a plusieurs sur assemblagerequis.com. C'était pas mangeable au bâton rouge. Presque des grands moments de théâtre, saison 14-15 de la LIM. On revient à l'article. Parce que le décorum de notre spectacle et le talent de nos comédiens sont de très haut calibre, de très haut niveau, on a voulu s'inspirer de l'univers graphique des affiches de théâtre institutionnel montréalais. C'est le responsable des communications de la LIM qui a dit ça. Par contre, parce que notre spectacle demeure improvisé, drôle et sans prétention, nous avons apposé sur ses exécutions un peu pompeuses les titres les plus ridicules que possible, faisant ainsi référence à presque de grands moments de théâtre. Les autres créations présentent les 5 équipes qui vont s'affronter au sein de la Ligue. Les pièces pourront être vues en affichage extérieur, publicité sauvage, qu'on appelle, sur le web et dans les médias sociaux. C'est super cool. Moi, j'aimais beaucoup les campagnes de la LIM mauricienne, mais là, on a enlevé le poster du studio récemment, je crois. Ah, mais, dommage. C'était genre, même à la maison, j'improvise. Puis là, on voyait un gars sur sa tondeuse, sur un gazon. Oui, mais avec quelque chose de bizarre, sa tondeuse. Je me rappelle pas c'était quoi, même. Très bonne campagne pour de l'improvisation. Maintenant, le pari de Taco Bell, celui-là m'intéresse vraiment. C'est pour promouvoir le lancement de son application en collaboration avec l'agence Digital's Bee. La marque de restauration rapide a décidé de faire le vide sur les réseaux sociaux. Elle n'est donc plus présente sur Facebook ni Twitter. Hein? On offre seulement l'application sur iPhone et Android, l'application qui permet aux consommateurs de réaliser et de payer des commandes à distance, puis de les récupérer dans la succursale Taco Bell identifiée comme la plus proche. L'utilisateur peut personnaliser et facilement retrouver ses commandes puisqu'il suffit d'incliner son téléphone intelligent pour que ses dernières commandes apparaissent. Les grandes chaînes de restauration rapide comme McDonald's ont déjà mis en place ce type d'application. La campagne de promotion de Taco Bell consiste à s'effacer de toute plateforme sur les réseaux sociaux. Le but est d'attirer un maximum l'attention sur le lancement de l'application. Le compte Twitter qui avait 1,4 million d'abonnés a été suspendu, pas fermé, parce qu'on veut évidemment pouvoir récupérer les 1,4 million après la campagne publicitaire. Un autre compte officiel a été créé, l'unique publication de celui-ci met en avant le mot-clic « Only in the app ». Les publications Facebook de la marque ont également été supprimées. On y retrouve le même fond noir et le même message. C'est aussi le cas pour son site web mondial. Donc, l'offensive s'appelle Blackout et ça comprend aussi une courte publicité télé autour du même principe qu'on va aller entendre dans quelques instants. Les comptes sont pas fermés, sont seulement suspendus. On a seulement mis du noir. Donc, c'est pas pareil comme vraiment éteindre. Non, mais c'est parce que là, ça... c'est c'est parce que si tu tapes le nom et qu'il n'y a absolument rien, ça finit là. C'est mais ça. S'il y a la page et qu'il n'y a rien sur la page, mais la page existe, là, le message est plus clair. Là. Et qu'on on voit que c'est volontaire. C'est ça, on voit que c'est volontaire. C'est voulu. Donc, on va écouter la publicité Blackout 2014 de Taco Bell. Le menu, $1 et le Beefy Fritos Burrito. Tout ça pour seulement $1. Blablabla. Là, tout devient genre comme sur une cassette VHS qui perdrait son, son fil. Et là, ça dit seulement dans l'application et ça n'arrête pas de bugger un peu à la télé. Donc, bon. C'est un peu le même principe, c'est cool. Hmm. Ça, c'est plus réussi, je trouve. Oui, c'est intéressant. Ouais. Ensuite, IKEA transforme un appartement en mur d'escalade pour l'ouverture de son 30e magasin en France. Ouais, IKEA et l'agence de communication événementielle Ubi Bene ont créé un appartement à la verticale que seuls les grimpeurs peuvent visiter. La ville de Clermont-Ferrand accueille cette installation surprenante, un mur d'escalade de 9 par 10 mètres meublé à l'aide du mobilier IKEA. Et les téméraires peuvent même explorer les lieux. C'est très cool. Oui. C'est le fun, t'as vraiment un lit, une petite commode, et tout ça pas placé comme dans une chambre, c'est-à-dire que la commode est pas placée ses pattes vers le mur, tu comprends-tu? À la place, on l'aplatit. Ouais, ça, le lit est positionné correctement, ouais. Mais on a quand même couché, en fait, ouais, ça, on a couché les meubles, les armoires et tout ça. Fait que ça sert à la fois de plancher et de mur, parce qu'on voit aussi qu'il y a des serviettes d'accrocher sur le plancher, mais dans le sens du mur. Dans le sens du mur, donc la serviette tombe. C'est de la 3D, c'est un petit peu difficile à expliquer, là, mais vu que le mur est devant toi, la serviette tombe quand même vers le sol a, nous, et non pas le sol du plancher du mur d'escalade. C'est l'IKEA Clermont-Ferrand. Voilà, une montagne d'inspiration s'ouvre à vous, est le slogan. On reste un petit peu dans le même genre. Si vous êtes du type extérieur, hein? La prochaine fois, vous allez magasiner et si le plancher s'enlevait autour de vous, c'est les magasineux en Corée du Sud, non, en Corée en général, pardon, qui ont dû vivre ça, cette cascade de North Face et l'agence sud-coréenne InnoRed, nommée Never Stop Exploring. Donc, les gens, les clients qui se présentaient à ce magasin pop-up de North Face, un magasin pop-up, c'est un magasin qui d'habitude n'existerait pas, mais qui ouvre seulement pour une courte période de temps. Donc, un pop-up store. Donc, on se présentait chez North Face et on était surpris parce que le plancher autour de nous commençait à disparaître et on était forcé à s'agripper au mur. Des murs, évidemment, avec des prises un peu comme de l'escalade. En fait, pas un peu, c'est exactement des prises d'escalade. Et ensuite, un article de North Face descendait du ciel juste à l'extérieur, dans le fond, qu'ils pouvaient pas attraper eux-mêmes. Et il y avait un timer de 30 secondes qui démarrait. Donc, les gens avaient totalement peur. Et là, vous allez devoir regarder avec nous la vidéo en onde à la radio pour comprendre le punch final. Attention, on va écouter ça. Donc, on s'en va en Corée du Sud. Bon, le texte apparaît évidemment en coréen. Je n'y comprends rien. Est-ce qu'il y a des sous-titres anglais? Ouais, attends un peu, je pense qu'il y en a. Oui, il y en a. Il y en a. Attends, on va juste revenir un peu en arrière pour comprendre. OK. Donc, on recommence. On y va. On est prêt. Quand était votre dernière exploration? C'était quand votre dernière exploration? Bonjour, comment allez-vous? On entre dans le magasin, il y a des vêtements sur les murs, bien sûr, sur des racks. Voici notre nouveau manteau. Les gens essaient le manteau. 3, 2, 1. On active une poignée et soudainement, les vêtements commencent à lever sur les murs et le plancher s'en va, mais se tasse vers la droite dans un mur. Oublie ça, là, je suis traumatisé à vie. Là. C'est clair, c'est clair. Donc, les gens essaient de s'accrocher au manteau. Donc, finalement, voient les prises d'escalade sur le mur. Commencent à grimper. Les gens, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Et là, on descend et on tombe sur un matelas en bas. Les gens qui se jettent en bas ont le droit de le faire. Mais il y a aussi un manteau super cher qui descend du plafond ou du ciel, dans ce cas-ci. Et on demande aux gens de sauter vers ça. Donc, vous avez 30 secondes pour aller sauter et attraper le manteau de North Face Down Jacket. C'est cool, mais honnêtement, il doit y en avoir beaucoup qui font juste paniquer puis vouloir mourir, puis se rouler à terre en boule puis pleurer. Là. Mais tu vois, moi, c'est un défi parce que c'est amené vraiment de façon jeu et non pas façon épeurante. Donc, le manteau est pas trop loin. Donc, quelqu'un qui aurait de la facilité avec les sports extrêmes ou qui a déjà fait peut-être ce genre de sport-là, essaie de sauter, attrape le manteau. Il y en a plein qui l'ont réussi dans ce cas-ci. Et on saute sur le matelas North Face. Et on gagne le manteau, bien sûr. Ben, j'espère. J'espère bien. C'est quand même cool, je trouve. Ouais, ouais, c'est cool, c'est cool. Et 30 secondes, je sais pas si t'as plusieurs fois pour remonter sur le mur puis redescendre en 30 secondes. Fort ben, voyant, tu peux pas, t'es tombé sur le coussin. Fait que d'après moi, le mur est trop haut, tu peux pas le réescalader. Ah, ça doit être ça. Donc, n'arrêtez jamais d'explorer, nous dit North Face en Corée du Sud. avec une petite musique, ouais. Très... Ah, c'est wow, merveilleux la chanson. Il y a même des bloopers à la fin, donc la vidéo, allez voir ça sur rassemblagerequipe.com. On dirait Simple Plan coréen. Jean. Ensuite, je vais y aller avec un pénible voyage en avion signé Virgin. J'adore ce concept-là. Attends un petit peu, et voilà, ici, voilà. Donc, c'est afin de se comparer avantageusement aux autres transporteurs aériens, Virgin America qui a créé une vidéo montrant tous les désagréments de vol entre Newark et San Francisco. Un vol de 5h45 secondes, et la vidéo dure 5h45 secondes. Donc, c'est le temps réel de la durée du vol. Bébé qui hurle, manque d'espace pour les gens, menu décevant, agent de bord endormant. Tout est mis en scène pour décourager le voyageurs de traiter avec le transporteur fictif Bla Airlines. Il y a même un micro-site, une page Twitter et une page Facebook aux couleurs moches de Bla Airlines qui ont été mis en ligne pour soutenir l'offensive. On va aller écouter un extrait de Bla Airlines. C'est supposé faire quoi, là? C'est supposé te dire d'aller chez... donc, à la place, c'est Virgin, à la place de choisir les autres compagnies ennuyantes. OK. Donc là, on est même à l'intérieur de la personne, d'une personne type, un client de chez Bla Airlines. Et ensuite, on sort de la personne pour le voir à la troisième personne. Mm-hmm. Et on voit les gens à côté. Bon, la jeune femme qui se pogne les cheveux. Bon, on s'entend, c'est des mannequins, hein? C'est. Oh, j'avoue qu'on a. J'ai pas dit ça. T'as pas dit ça, c'est pas des vraies personnes, c'est des mannequins. Des fois, ce qui a l'air évident dans ma tête ne l'est pas toujours parce que je l'explique pas. Mais oui, c'est en effet des mannequins. Donc, c'est ça, on entend les bruits autour. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le vol de Bla Airlines. Vol sans arrêt vers la ville qui ne dort jamais, San Francisco, Californie. Et ça dure comme ça pendant 5h46, 9 secondes. Ben là. Qui va regarder ça? Je me demande justement... C'est ce que... En fait, je pense que c'est la question que tout le monde doit se poser. Est-ce qu'il se passe à un moment donné quelque chose dans les 6 heures, peut-être? Parce qu'on retourne à la première personne. Un crash. On retourne à la première personne. On voit à l'intérieur des yeux du mannequin qui se ferme et qui s'ouvre. Si j'avance plus tard à 3h40, il y a plein d'affaires bizarres qui se passent, là. Comme, mettons, le mannequin à côté de la personne se met à lui parler d'affaires ennuyantes. Puis il y a de la bouffe partout d'en face. Fait que je sais pas si c'est la bouffe de la... Elle mange de la viande, puis elle s'en met partout d'en face. Ah, oh, moi, je suis allée à 3h25, puis il n'y a plus de batterie dans son porteur. Ah oh, non, là, ça vient tout de gâcher. Là. En tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent en tant que telles, tout en se passant rien. Un peu comme dans un vrai avion. Il se passe rien, mais il se passe des affaires. On se comprend-tu? Ouais, ouais. C'est donc Bla Airlines pour vous encourager à voler sur Virgin Galactic. Virgin Airlines, pas Virgin America. Voilà. Virgin Galactic, c'est leur vaisseau spatial, je pense. la plus longue publicité du monde, maintenant... Ben, c'était celle-là. Non, pas celle-là. Il y en a une autre. C'est pour ça que je les avais mis ensemble. C'est... Attends un petit peu. Voilà, c'est la plus longue campagne publicitaire du monde. C'est un peu le but du fait qu'on n'est pas capable de vivre à travers ça. C'est une publicité de 5 heures de long pour Adriana Lima. Avec Mais Adriana oui, l'autre, Lima, c'est 5h45. Non, mais c'est pas la même. C'est, en tout cas, à moins que je me trompe... Non, c'est pas la même. Non, mais c'est pas la plus longue. L'autre a duré 5h45. Ah, excuse-moi. Je suivais pas pantoute là-dedans. T'as bien raison. C'était pas la plus longue du monde. T'as raison. On annule tout. Une des plus longues publicités du monde, non? C'est pour Kia. Donc, on va l'écouter un petit peu. On va écouter le début pour commencer, juste pour voir de quoi ça a l'air. Donc, la plus longue publicité du monde, elle commence à l'instant. Ou bientôt. Voilà. C'est à 5 secondes. On est donc, si je comprends bien, dans un lit, je crois, avec une table à côté. Je pourrais pas te dire, je sais pas t'es où. Il s'appelle Are You Patient Enough to Sit Through the Longest Ad in the World. Donc, une publicité de 5 heures avec Adriana Lima. Pour Kia, on dit qu'on veut pas gâcher le scénario. On veut savoir pendant combien de temps vous allez regarder. Et ensuite, cliquer sur pause ou stop pour voir de quoi la publicité parle vraiment. Donc, à un moment donné, on va faire pause. Ici, je fais pause, attention. On va avoir le punch final. Si tu ne peux le supporter que pendant 0 minute et 41 secondes, je m'attends à avoir des frissons. Pourquoi forcer d'autres gens à le vivre pendant des mois ou des années? Le droit à la mort... digne d'elle-même, genre, tu sais, genre, d'avoir le droit de mourir. Donc, soutenez une loi pour le droit de mourir. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui souffre dans son lit pendant très, très longtemps. Je trouve ça plus intéressant. Je trouve que ça vient plus chercher que peut-être le cercueil qui traversait la rue. Oui. Tout à fait. En passant, je dois me corriger à l'instant. Là, j'ai complètement eu tort sur le début de l'article. On comparait cette pub-là à une autre pub qui durait 5 heures avec Adriana Lima. Celle-là, il n'y a pas Adriana Lima dans cette pub-là. Ah, c'est okay. Une comparaison à une autre pub, mais c'est moi qui ai mal lu. Ensuite, sûrement la pire campagne de l'année, c'est ce que tout le monde dit sur Internet en ce moment. On va terminer bientôt, mais c'est pour les bandes d'énergie qu'on se met sur la langue, un peu comme des drinks d'énergie. Mm-hmm. Sauf qu'à la place, on les appelle les Sheets Energy Strips. Tu comprends les sheets, hein? Donc, on a fait une campagne remplie de jeux de mots avec sheet dedans. Par exemple, I take a sheet in the pool. Je m'en vais déféquer dans la piscine, dans le fond. I've taken a sheet at the library. Donc, j'ai fait mes besoins à la bibliothèque parce que sheet et shit, ça sonne pareil. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer plus que ça. Donc, on va l'entendre la petite vidéo publicité télé pour ça. I take a sheet in the library to stay focused. Donc, je le fais à la bibliothèque pour garder le focus. I take a sheet the first thing in the morning to wake up. Je le fais dès le matin pour me réveiller. I take a sheet before a long ride. Je le fais avant de me promener en moto. I've taken a sheet right in the cockpit. Je le fais directement dans le cockpit. C'est un conducteur pilote d'avion. Donc, ils prennent leur petite bande dans leur truc de plastique, ils se le mettent sur la langue et ils font miam, take a sheet. Il y a même Pitbull. Il y a Pitbull? Pas vu Pitbull. Ben, pas dans l'annonce, mais tu vois pas la grosse affiche? C'est Pitbull, I take a sheet right on stage. Ah, ben oui. Ben oui, t'as bien raison, c'est leur vedette. Ouais. C'est ça. Donc, je peux pas croire qu'il a mis son nom là-dessus. J'ai de la difficulté à croire aussi. Et c'est ça, évidemment, ça fait controverse comme toujours, même si ça commence à faire quelques semaines quand même. LeBron James est aussi une des vedettes utilisées pour cette compagnie-là. LeBron James, qui est donc en fait cofondateur de la compagnie. Ça va être ça? C'est cool, ça? On dit ici que le porte-parole de Sheets a dit à Adfreak qu'ils sont pas dans la business de gagner des prix. Donc, c'est normal pour eux de faire controverse parce que leur but n'est pas de gagner des prix. D'ailleurs, on va rester dans le domaine des briques, se laisser se domper une brique, si on veut. OK. Comme on dit. C'est une vidéo que je trouvais vraiment intéressante sur le fait que, en déposant une brique. OK. On va l'écouter à la place parce que sinon, ça va un petit peu gâcher le. Ben, en fait, je pense que le punch, vous le voyez venir un petit peu. Bon, on va écouter donc cette publicité-là sur les briques. Ah, attends un peu, j'avais baissé le volume dans une précédente publicité. On va la remonter. Il va. I dropped a brick in the toilet yesterday. J'ai laissé tomber une brique dans la toilette hier. My girlfriend was watching. Ma copine me regardait. Ils sont tous assis sur une toilette. I dropped a brick in the toilet. J'ai laissé tomber une brique dans ma toilette. I dropped a brick. J'ai laissé tomber une brique dans chaque toilette de la maison. This big. J'ai laissé tomber une brique grosse comme ça. C'était vraiment fou. I dropped two bricks in the toilet, but then I took one out. J'ai mis deux briques dans la toilette, mais ensuite j'en ai enlevé une. The brick I dropped was the same size as my dad's. La ma brique était de la même grosseur que celle de mon père. I can feel it in here. Je la sens, ma brique. My brick was so big, the toilet filled up with less water. Ma brique était tellement grosse que la toilette s'est remplie de moins d'eau. J'ai économisé de l'eau en mettant une brique dans ma toilette. Si on mettait tous une brique dans la toilette, on économiserait 67... Attends, tu parles vraiment vite, monsieur. The toilet filled up with less water. I saved water by dropping a brick in the toilet. If we all drop a brick in our toilets, we'll save California 67 million gallons of water a day. On économiserait 67 millions de gallons d'eau par jour en Californie seulement si on laissait tomber une brique dans sa toilette. Dans un état qui fait face à sa pire sécheresse de l'histoire. So go into your bathroom, muster up a brick, and plop it into the top tank. Donc, allez dans votre salle de bain et laissez tomber une brique dans la tank. Moi, ouais, c'est sûr, c'est pas dans la bol. Non, là. Non, c'est ça. Tout le monde est soulagé. Je me sens mieux. Venez chercher votre brique aujourd'hui sur dropabrick.org. Et comme on le montre dans le petit clip à la fin de la publicité, les gens ont tendance à mettre leur brique à la verticale dans leur tank en arrière, le réceptacle d'eau en haut. Donc on laisse tomber sa brique à la verticale. Dropabrick.org va vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur. Est-ce qu'on peut en avoir, nous autres aussi? Ben, moi, ce que j'en comprends. C'est qu'on peut prendre n'importe quelle brique, mais je pense que le site dropabrick.org doit fournir des briques gratuitement. C'est ce que j'en comprends. Sûr, je sais pas s'il envoie n'importe où. Je sais pas si ils peuvent l'envoyer ici. Mais mon Dieu, c'est vrai que c'est une bonne idée de mettre... au pire, cacher votre drogue dans votre toilette. Et vous allez économiser de l'eau, puis la planète va mieux s'en ressentir. Et comme on l'a dit, 67 millions de gallons d'eau par jour énorme, en Californie. C'est énorme, c'est juste ça énorme. Aucun sens. Et c'est en même temps une très très bonne blague de caca. Oui, pas mal ça. On va se le dire. Ensuite, sur un gros panneau publicitaire, parlant de choses qui vous envoient aux toilettes peut-être éventuellement parce que c'est de la nourriture, Kit Kat. qui nous fait un panneau publicitaire, mais à moitié fait. Et c'est l'idée derrière la blague, parce que leur célèbre slogan est « Have a break, have a Kit Kat », prenez une pause Kit Kat, comme on dit en français. Et donc, le panneau publicitaire est, je dirais, aux deux tiers fait. Il y a derrière de la brique, évidemment, c'est de la fausse brique qui fait partie de la pub, et on met un escabeau en avant avec un seau. Et donc, c'est juste l'idée derrière tout ça. La blague est super bonne, mais la phrase « Have a break, have a Kit Kat » qui a été inventée en 1958. Ouais. C'est Donald Giles qui avait inventé cette blague-là. Donc, 56 ans plus tard, c'est JWT London qui a trouvé une nouvelle façon d'illustrer la réplique avec un panneau publicitaire à moitié fait. Voilà. Ouais, mais je comprends pas. Ben, parce que vu que tout le monde connaît la phrase « Have a break, have a Kit Kat », le panneau publicitaire n'est pas terminé. Ils sont partis chercher une Kit Kat. C'est une pub pour Kit Kat. Évidemment, le slogan, on le voit pas, puis il y a même pas le logo de Kit Kat, mais la phrase est tellement connue que les gens savent quand même ce que c'est. Okay. En anglais, bien sûr. Oui, oui, mais quand même. Si c'était marqué « Prenez une pause » puis qu'il n'y avait rien après, nous, on ne saurait pas parce qu'on n'est pas aussi au courant de cette phrase-là que... Ben non, mais ça veut comme... C'est moins associé « Prenez une pause ». C'est ça. Faudrait qu'il y ait le logo Kit Kat dans le coin de nous. Alors qu'eux, ils n'ont même pas besoin. Have a break, have a Kit Kat, c'est tellement évident. Moi, je trouve pas que c'est si évident que ça. Je trouve qu'il aurait dû avoir le logo Kit Kat, mais bon. Ouais. Bah, c'est ça, je suis pas sûr qu'il y a tant de gens que ça qui vont comprendre. Pas sûr, moi non plus. Pour vrai, pas sûr. Mais bon. Ensuite, c'est une nouvelle étrange, c'est les clips musicaux de Universal qui se transforment en panneaux publicitaires. Les clips musicaux de Universal Music vont pouvoir comporter des publicités intégrées à la volée, ça veut dire on the fly, pendant que la publicité, la vidéo est en train de jouer, par la société Myriad. C'est une évolution dans le domaine du placement de produits et de la publicité vidéo. Je t'explique. Donc, imaginez les espaces publicitaires dans les films et les clips qui ne sont plus figés dans le temps. Mm-hmm. Un annonceur va pouvoir présenter ses produits dans un film qui est déjà sorti en salle il y a plusieurs années. C'est ce que propose Myriad, qui vient s'associer à la major Universal Music et à la compagnie publicitaire Havas. Des clips musicaux vont faire apparaître des publicités de façon contextuelle. Plutôt que de placer un ordinateur ou une voiture à l'écran, l'approche de Myriad est différente. Donc, à la place d'avoir des écrans dans la vidéo qui montrerait des publicités qui changeraient tout le temps, à la place, on les intègre vraiment. Donc, on va regarder dans la publicité, dans la petite vidéo de démonstration, je trouve que ça l'explique assez bien. On va remplacer des produits par d'autres. Par exemple, si mettons un film sort en 2014 et montre quelqu'un utiliser un iPhone 6 et que finalement on le ressort sur Blu-ray en 2018 édition spéciale puis qu'on est rendu au iPhone 9 S Plus, on va pouvoir le changer dans le clip, dans le film. Donc on voit des gens ici qui sortent d'un taxi et on remplace une publicité pour d'une bière par une autre bière. Là, dans ce cas-ci, on la remplace par une Heineken sur le taxi dans l'extrait vidéo. Ici, il y a un groupe de musique qui joue avec des batteries et des amplis, hein? Et on remplace le devant de l'ampli, par exemple, par le logo de Rock Band dans sa deuxième fenêtre. Donc, on sait la prochaine génération. On va remplacer sur un bateau, on va voir une marque comme, par exemple, ici, c'était Louis Vuitton qui va être remplacé par-dessus sur la voile du bateau. Donc, on demande, est-ce que c'était vraiment là ou est-ce que c'était plutôt Myriad? Donc, la casquette de quelqu'un qui est remplacé avec un logo de Chanel dessus. Donc, c'est de l'embedding sur tous les écrans, tablettes mobiles, ordinateurs, télévision, dans plus de 20 pays. Donc, ici, on va remplacer un MacBook Air. Je sais pas par quoi on remplace. J'ai pas vraiment vu la différence entre les deux, mais bon, peu importe. On remplace des produits par d'autres. Ça change la vision, probablement, du réalisateur. En même temps, le réalisateur a accepté à ce qu'on place un produit, en général, dans son affaire. Si les gens passent devant un magasin, et on remplace ça par des pancartes de Subway. Tu sais? Au prochain visionnement. Non, j'aime pas ça. Moi non plus, vraiment, vraiment pas. Sa voiture ici, ça là, c'est le pire, OK? Mettons, l'émission se passe des années, je sais pas, tu sais, peu importe, 80, OK? Et il y a une voiture rétro en arrière de la madame, OK? Et dans le prochain visionnement, c'est une voiture de l'année. Là, ça vient de défaire l'illusion de l'émission ou du film complètement, là. Complètement. On rajoute des publicités sur des panneaux publicitaires dans des films où il n'y en avait pas. Mettons, tu es dans un épisode de Breaking Bad, ils sont dans un désert, puis à l'arrière-plan vient s'ajouter au deuxième visionnement une pancarte pour une marque de char. Ouf. Hein? Ben, tu sais, si c'est fait pour le premier visionnement puis que ça reste comme ça, ça va, mais tu peux pas le changer au cours des années. Non. Ici, la fille, elle a un genre de BlackBerry. Ça devient un Samsung ou un HTC par après. Mais tu sais, ses pouces restent à la même place. Il accommode, ça change le produit. Oh non, moi, ça m'énerve tellement. Non. Non, vraiment pas. Non, ben, c'est rendu intense, là. Ça va trop loin. C'est Myriad, donc, où on remplace un produit physique ou un produit, un magasin, etc. La publicité insérée aux vidéos aurait deux fois plus de chances de marquer l'esprit des consommateurs comparé à des annonces similaires publiées en début de vidéo ou en interstitiel. C'est sûr que les publicités qui apparaissent au début d'une vidéo ont tendance à ne pas les regarder. Ben non. Donc, ça fait partie du clip musical dans certains cas. Là, tu sais, évidemment, montrer des extraits d'émissions de télé où on peut s'imaginer que c'était tout le temps des vidéoclips parce que c'est la technologie qu'ils veulent faire en ce moment, c'est pour des vidéoclips. Mm-hmm. Mais bon, ça pourrait s'adapter à plein d'autres choses. Voilà, je pense que ça va devoir être assez pour ce bloc pub pour aujourd'hui. Ah, mon Dieu, c'est fini demain. Ben, j'aimerais bien continuer, mais on a d'autres contenus. On a d'autres contenus à faire. On fait le bloc pub une fois de temps en temps. On n'a pas vraiment de cases horaires spécifiques. Mais c'était super intéressant. C'est le fun. Particulièrement intéressant aujourd'hui. Good. Ouais. Ça fait plaisir de filtrer pour toi ces nouvelles du monde du marketing. On prend une pause musicale pour commencer. Tiens, on écoute De pluie et de cendres de notre ami Guillaume Beauregard tout de suite à Assemblage requis sur C'est fou. Les mots et la manière, peu importe les ombres et la lumière, toutes les blessures du temps sur la conscience, toutes les raisons de confesser la démence, à toutes les minutes et à toutes les secondes, peu importe les bêtises que je te raconte, à tous les coins et les rues et les tournants, peu importe si je vois rouge comme le sang. Les lignes, peu importe les alarmes et les signes, peu importe les cris et les échos, peu importe la chair et le sang et les os. Je suis des toiles et des pluies. Depuis le cendre par Guillaume Beauregard. Au retour, on continue avec un autre son foutu palmarès. Restez là. À son avocat, sur C'est fou, 89.fr. C'est fou. 89 ans. Yeah. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plan. Et seulement avec nous. Oui. Seulement avec nous. Alors, on va continuer notre émission d'aujourd'hui avec quelques petites chroniques bien simples de compréhension. Voici son foutu palmarès encore. Son foutu palmarès, la chronique, on établit une liste sur un sujet donné. Aujourd'hui, c'est la liste des fêtes internationales festives qu'on pourrait adopter. Fêtes festives? Fêtes festives, les fêtes où on a du plaisir à célébrer quelque chose. C'est de vrai, cool. les fêtes où c'est plate. Là. Ben là, tu sais, la Toussaint puis l'armistice de je sais pas quoi. Ouais, la Toussaint, c'est l'Halloween, c'est cool. Moi, t'as raison. qu'est-ce qu'on célèbre pas qui est plate? Fête du Canada. Fête du Canada. T'sais, ça, c'est pas festif. Fête du dollar. Fête du dollar. $2. Voilà. Oui, c'est vrai, je m'excuse, c'est le gars, c'est pas la pièce. Ben, respecte Monsieur Dollard, là. Fête du travail, hein, on fait juste rien. C'est ça. Donc, on a des festivals de partout dans le monde qu'on pourrait ajouter qui rendraient notre vie un petit peu plus heureuse. Par exemple, en Islande, on célèbre le Bolludagur. Hein? Donc, on célèbre Bolludagur, la journée, on dit Buns Day. Donc, la journée des petits pains. Cool. Ouais, on mange des crème puff, comme on a dit dans une précédente chronique. C'était quoi qu'on dit, des crème puff? Le chat le plus vieux du monde. Donc, sur des petits pains de toutes les grandeurs, toutes les formes, fourrés à plein d'affaires. Les enfants, eux, évidemment, ils ont une version sucrée de tout ça. Selon la tradition, ils sont supposés se réveiller avant leurs parents et les tapocher un petit peu pour qu'ils se réveillent. les battre gentiment. Gentiment, avec ce qu'on appelle une bonne wand, une baguette de pain, genre. C'est dommage bizarre! Et ils vont se mériter un crème puff pour chaque coup qu'ils réussissent à faire à leurs parents. Mais c'est n'importe quoi! C'est en Islande! C'est drôle! Et crème puff! Hey, c'est tellement des traditions qui se perdent! Ensuite, en Thaïlande, c'est le festin des singes, Feast for Monkeys. Ok, je pensais que c'était Fist for Monkeys. Fist for a Monkey. J'avais lu avec le mauvais accent. C'est moi qui est sexuel d'habitude. Excusez. Donc, dans l'aventure épique hindoue de Ramayana, le héros Rama va donner à la province de Lopburi en Thaïlande. Elle va la donner au roi singe Hanuman. Donc, le dernier dimanche de chaque mois de novembre, tous les vrais descendants singes de Hanuman vont avoir le traitement royal. Donc, les gens dans la ville vont installer un festin de 4 tonnes, plus de 4 tonnes de fruits, de légumes et de même de liqueurs, de boissons gazeuses pour que les macaques locaux puissent s'amuser. C'est leur fête à eux. Wow. Les singes. Hey. Oui. Au cégep, je suis déjà allé voir une pièce de théâtre. Au cégep. Oui, au cégep. Je suis déjà allé voir une pièce de théâtre, le Ramayana ou la marche de Rama. C'est donc, ça. Donc, ça parlait de lui. Et c'était une pièce expérimentale de deux comédiens qu'on connaît très, très bien. Et c'était, comment je dirais, c'était spécial. Ouais. Tu sais, quand t'es dans la première rangée puis que t'as tes deux amis qui te dorment sur l'épaule puis tu leur donnes des coups qui se réveillent parce que c'est gênant. Parce que tu leur donnes des coups de baguette de pain. Exactement. Pour avoir des crème puff. C'est ça. Mais c'était, ouais. Je suis curieux de savoir qui jouait là-dedans. Bon, je t'en reparlerai. Ouais, on va au Japon, à l'Adaka Matsuri. Les hommes vont démontrer leur masculinité de plusieurs façons. donc au Japon, à l'Adaka Matsuri, les hommes ne sont pas complètement nus, mais vont se mettre presque à nu, avec seulement un petit linge devant leur partie privée, lors d'un très froid soir de février, pour tester leur masculinité et se battre pour leur futur bonheur. Donc, la soirée va commencer très, très froidement, alors que les hommes vont se purifier dans la fontaine de la Yoshi River. Ensuite, ils vont attraper des bâtons sacrés qui sont lancés dans la foule par des prêtres. Et pendant ce temps-là, à quelque part de très confortable, les femmes sont soulagées qu'il n'y ait pas de festival de la femme nue. Donc, c'est le festival de l'homme nu au Japon. Pour te montrer ta virilité, finalement. C'est cool, hein? Je pense que j'ai pas besoin de présenter tant que ça la tomatina. En Espagne, c'est quand même assez connu. Est-ce que tu connais la tomatina? Il me semble qu'on se lance des tomates. On se lance des tomates à Buñol, en Espagne, le dernier mercredi du mois d'août. Des milliers de gens vont se rassembler pour la tomatina. L'événement commence à 10h du matin avec une partie de palo y abon, où les compétiteurs vont grimper sur des poteaux graisseux pour essayer de se rendre jusqu'au jambon qui est au sommet. Une fois que la viande descend, il va y avoir une bataille de nourriture, une food fight pendant une heure. On va tirer un coup de fusil et les camions vont commencer à amener 15 000 tomates qui sont overripe. Je crois qu'elles sont trop... elles sont passées au-delà de son niveau de mûritude, mûraison. Là. Ben, c'est ça, trop mûr. Trop mûr, ouais. Fait que tu peux pas les manger, donc c'est pas tant du gaspillage. Ah, c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça. Fait qu'on peut pas se dire, c'est parce qu'il y a des petits Africains qui meurent de faim. Ouais. Mais non, elles sont passées outre le niveau où elles seraient mangées, leur phase d'accord. De mangitude. Donc, la tomatina, il y a des règles quand même. Les tomates doivent être molles pour éviter les blessures, bien sûr. On conseille les lunettes et les gants. Il n'y a aucun autre projectile qui est permis, que ce soit un fruit ou d'autres. Les participants doivent garder les participants doivent garder leur chemise, leur chandail. Voilà. Et une fois que le deuxième tir de fusil est tiré, ben, la bataille est terminée après une heure. OK. Ça doit être le fun. Mais ça, la tomatina. On va en Finlande maintenant. C'est l'Istavan Pajava. T'es sûr? Non, c'est l'Istavan Pajava. J'ai aucune idée. Il y a des. Non, des c'est parce petits, que là, tu le dis plus comme en très asiatique. Là. Genre, hein? Mais il y a des petits des tréments sur les A. Surtout les A, en fait, de ce mot-là. Donc, c'est un peu la réponse de la Finlande envers la Saint-Valentin. On l'appelle la Y-Day au lieu de la V-Day. Hein? Donc, c'est une célébration de l'amitié donc, et non de la romance. Les hommes et les femmes vont donner des cartes, des cadeaux, des bonbons à leur partenaire platonique pour que personne ne se sente délaissé. Voilà. Mais c'est bien, c'est un peu comme Noël, finalement. Genre. Maintenant, en Finlande, j'aurais aimé qu'ils me donnent les jours. Celui-là, ils nous ont pas donné le jour de la Wide. Tu iras sur Wikipédia. Ben, c'est ça. En Finlande, toujours, Laskiainen, qui est une autre tradition finlandaise. Cette semaine, exactement avant Pâques, les Finnois. Non, c'est la langue finnois. Les Finlandais? Ouais. Ah ouais? Je retiens pas ces affaires-là. Finnois puis Finlandais. Trop pareil, tu sais. Ça devrait être pareil. Okay. Donc, ils vont se remplir de soupe au pois et de petits pains fourrés à la confiture et à la crème. Bon, à partir de là, les hommes, les femmes et les enfants vont passer le reste de la journée à faire de la glissade. Depuis les années 1930, Palo, Minnesota célèbre le Laskiainen avec de la musique authentique, nourriture, bricolage et course à haute vitesse. Donc, on célèbre en copiant. La fête de la Finlande, c'est cool. Moi, je trouve que ça a l'air bon, ce soupe au pois puis des petits pains fourrés. Hein. Ben, certain. Mais ça. Ensuite, le Chinchilla Melon Festival. Plusieurs villes vont célébrer leurs légumes ou fruits réputés locaux, leurs moissons généreuses et tout ça et tout ça. Mais eux amènent ça à un autre niveau. C'est en Australie. À chaque deux ans, Chinchilla, qui est la capitale du melon en Australie. Je pensais que c'était un animal, moi, Chinchilla. J'aurais aussi pensé ça, mais ils prévoient un gros festival de 4 jours de long avec tout plein de plaisir, entre autres du tir à l'arc où on remplace le dard par un melon. OK? Replaces the dart with a melon. Remplacer le dart par un melon. Moi, je pense qu'on aurait remplacé la cible par un melon. Ouais, c'est bizarre. Hein? Il me semble. Mais bon, je pense qu'on va leur faire confiance. S'ils remplacent le bout de leur flèche par un melon, on doit être lourd à maudit. Mais c'est peut-être des petits melons. Peut-être. C'est peut-être des grosses flèches. On sait pas. On sait pas. On n'a pas les détails. Donc, il va y avoir aussi des glissades fruitées. Donc, on va glisser du slip and slide là, sur une grande toile fruitée. Il y a même du ski. Par rapport au melon, du melon skiing. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. C'est tu portes des melons dans tes pieds. Oui, tu portes des melons dans tes pieds, Steph. Incroyable, mais vrai. Moi, je pense que je roulerais à la place de glisser, non? C'est vraiment un melon. Ouais, je suis pas sûr que ça marche demain. Écoute-donc. On va au Japon maintenant. Le Kero no I, le respect pour les personnes âgées. C'est le troisième lundi du mois de septembre dévoué à rendre hommage aux personnes âgées. Même si c'est pas tes grands-parents, on rend hommage à toutes les personnes âgées. Donc, les bénévoles vont faire des repas gratuits. Les enfants vont chanter et danser à des cérémonies spéciales. Et les médias vont passer la journée à rendre hommage à ces personnes âgées-là qui font des choses extraordinaires, même à leur vieil âge. Ben, c'est bien, ça. Ben oui, pourquoi pas. Ensuite, on va en Écosse. C'est le Hop! Hilly ha ha! Hop! Hilly ha ha! C'est une fête écossaise à la fin du mois de décembre avec des costumes thématiques et des centaines de gens qui vont porter des torches dans leurs mains, des torches, des lampes, là, des lumières. Ils vont marcher, ils vont mettre le feu à une réplique d'un bateau viking. C'est pour représenter la renaissance du soleil. C'est un mélange entre l'Halloween, un feu de camp et un film d'action. Bon, mais attends un peu, là, c'est à la fin décembre. À la fin décembre, voilà. Ouais, entre Noël puis Jour de l'An? Ouais, au Japon. Ben, ils ont pas de Jour de l'An et pas la même place. C'est pas au Japon, ça. C'est Scotland. Ben raison. T'as ben raison. Et ils doivent fêter Noël puis Jour de l'An? Sûrement. Je sais pas où je t'ai rendu, mais ouais, t'as ben raison, c'est en Écosse. Ensuite, on va en Grèce et en Bulgarie. C'est l'Anastenaria. Donc, dans le nord de la Grèce et le sud de la Bulgarie. Deux fois par année, ça va être l'Anastenaria, célébration de la danse en hommage aux figures du christianisme orthodoxe, le saint Constantine et sainte Helena. Ça va durer trois jours et ça va culminer en une marche sur le feu. Firewalking, Steph. Les danseurs disent ne rien ressentir grâce à la protection des deux saints qu'on a précédemment mentionnés. Donc, ils marchent sur du feu, ils ne sentent rien à cause de ces saints-là dans la religion chrétienne orthodoxe. Ensuite, on passe au Kenya. C'est l'International Camel Derby and Festival, course de chevaux, rodéo. Tout ça, c'est bien le fun. Mais les chameaux, c'est encore plus amusant, nous dit-on, de faire les mêmes choses sur des chameaux. Depuis 1990, à Maralal, au Kenya, c'est là que se passe l'International Camel Derby and Festival. L'événement attire des gens de partout dans le monde et c'est ouvert aux novices. Donc, même sans expérience à se promener sur des chameaux, on peut engager un chameau et un maître de chameau pour une balade de 10 km amateur. Et puis ceux qui sont un petit peu plus experts sont éligibles pour une course, ou en tout cas pas une course, mais une promenade de 42 km. Oui, c'est une course, la Pro Elite Race. Et ça, 100 mètres de chameau. Ben, coudon. Eh ben. Ensuite, en Indonésie, c'est le Niepi Day. Les gens partout dans le monde sont encouragés à se rappeler de leur passé, du présent et même du futur lors de l'arrivée de la nouvelle année. Donc, c'est c'est à Bali. C'est la Niepi Day. Une contemplation silencieuse. On force vraiment les gens à être complètement silencieux. Les gens sont supposés passer le nouvel an lunaire à la maison en silence, en évitant les distractions de l'électricité, de la nourriture, la télé et la radio. Méchante soirée de marde. Ouais. Excusez. Non, mais c'est ça. Des gardiens de sécurité vont patrouiller les rues, prêtes à attraper les gens en train de ne pas être silencieux. Hein? En train d'avoir du plaisir, genre. Donc, le peuple de Bali va éteindre le volume et va se vider le corps. Ça va être un rituel de nettoyage, un exorcisme des démons. Ils vont brûler des effigies. Il va y avoir des carnavals. Et même, il y a un festival de l'embrassade qui s'appelle l'Omed. Au Médan, un festival de l'embrassade pour les adolescents. Ça, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, ça. Ouais. Ensuite, en Inde et au Népal, c'est le Holi. Chaque printemps en Inde, au Népal et ailleurs dans le monde, on va célébrer le festival hindou des couleurs. Okay. Le soir, juste dans le fond, attends un peu. Oui, le soir avant la fête, oui, en allumant des feux de camp pour rendre hommage à un garçon nommé Pralada dans la légende hindoue et son triomphe envers sa tante méchante Holka, qui a essayé de le brûler dans le feu. Donc, le lendemain matin, ça va être rempli de dégâts, évidemment, par rapport à ce feu-là. Il va y avoir un genre de free-for-all avec des poudres colorées. Un peu comme le Color Me Rad. Un peu comme le Color Me Rad, bon point. Des ballons d'eau et de la musique en direct devant public. Donc, le Holi, c'est un moment où on se fait de nouveaux amis, qu'on se fait pardonner par ses anciens amis et on croit au pouvoir de tout ce qui est bon. Ah! Intéressant. Pourquoi pas? Ensuite, on va à Wales. Wales a un nom en français dont je ne me rappelle jamais. C'est pas le... Les Wallons, je pense. Hein? C'est ça, les Wallons? Ayant. Le Pays de Galles, voilà. C'est ça que j'allais dire. Belle misère, mais je pensais que j'allais avoir l'air folle si je disais ça. Jamais de la vie. Donc, on va au Pays de Galles. J'avoue que je suis avec toi, là. Tu vas dire d'autres choses qui vont me replacer comme faut. Probablement. Je vais sûrement gaffer et mal traduire quelque chose, puis tu vas pouvoir te sentir supérieur. Exactement. Donc, on continue au Pays de Galles. Donc, qui a besoin d'un ami pour courir quand on peut juste suivre un train avec tout le monde qui est derrière toi? cet automne à Radio-Canada, non? Oui. Pas besoin de courir si tu veux. Donc, c'est l'événement Race the Train à Tywin, au Pays de Galles. Les participants doivent courir sur une piste qui est juste à côté d'un train à partir du village de Aberginnelowyn. Donc, c'est des noms qui sont très, très difficiles à prononcer, bien sûr. Et donc, les coureurs vont parcourir un paquet de différents terrains, différentes surfaces, des allées de campagne, j'imagine, de la bouette puis de la roche, etc., etc. Et les passagers du train les encouragent. Et si les choses ne vont pas bien, ils peuvent monter sur le train pour terminer la course et là, ils perdent. Évidemment. Ah, ben, coudonc, c'est intéressant. Ouais, c'est le fun. Et on finit au Pérou, finalement, avec la saison des fêtes qui peut être stressante. Donc, à chaque Noël, les gens de la province péruvienne de Chumbivilcas, voilà, vont extérioriser leurs agressions sur les uns et les autres dans une série de batailles publiques qui durent une minute chaque. Donc, c'est le Takanakui qui veut dire lorsque le sang bouille, voilà, en Quechua. Donc, c'est ouvert aux hommes, aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées qui vont régler leurs problèmes privés en public. Et la plupart utilisent des mouvements d'arts martiaux, donc à la place de juste frapper avec leurs poings. Une fois que l'altercation est terminée, ils vont se serrer la main ou se câliner, se serrer, et le problème est considéré comme résolu. Voilà. Ben voilà. Au Pérou. Malade, hein? C'est vraiment bizarre. C'est très le fun. Voilà, c'est tout pour ce foutu palmarès. C'est pour ça que j'aimerais ça régler mes problèmes comme ça en me battant. Laver son linge sale en famille. Genre, pas convaincu moi non plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte pour une autre édition de l'Assemblage requis. Déjà. Wow, déjà? Déjà. Et on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Demain, on sera mardi, donc on a plein de choses de prévues pour vous. Là, je pourrais pas vous dire quoi exactement. Mais vous allez capoter. Capoter. Capoter. Restez sur nos ondes pour le Zilcon qui s'en vient à 11h. Ensuite de ça, on est lundi. C'est... je me rappelle plus. J'ai pas Internet. Donc, on va dire Génie en liberté s'en vient à 9h30. Voilà. D'habitude, je m'en rappelle par cœur, mais pas tous les jours. Donc voilà, demain, entre 6h30 et 9h30, on va se quitter avec une excellente pièce de Rural Alberta Advantage sur leur nouvel album qui s'appelle Mended with Gold. On écoute On the Rocks tout de suite et restez là pour Génie en liberté dans quelques instants. OK? Bye! Bye, à demain! Yeah! Try to punch the lights out, and I'll check the gun.